étaient voilées. La scène a été filmée et a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Le directeur de l'établissement a notamment lancé que tous les musulmans étaient des terroristes. Il s'est excusé hier pour ses propos. Une enquête pour discrimination à caractère racial a été ouverte par le parquet de Bobigny. L'offensive turque qui se poursuit en Syrie pour lutter contre Daesh. L'armée dit avoir tué 25 terroristes. Plus de 40 civils seraient morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un coup dur pour l'équipe de France de foot. C'est l'hécatombe à Lyon qui annonce que Fekir, Lacazette et Cabaye sont indisponibles. Fekir pourrait se faire opérer du genou et être éloigné des terrains pendant 3 semaines. Dembélé, Gamero et Kondogbia les remplaceront pour les 2 prochains matchs des Bleus. Rendez-vous donc en amical jeudi contre l'Italie et le mardi 6 contre la Biélorussie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. Rendez-vous ce midi aussi pour les joueurs du côté de Clairefontaine. Et puis la fin de la 3e journée de Ligue 1. Surprise sur la pelouse de Monaco. Le PSG s'est pris une gifle par les hommes du Rocher. 3-1. Les Monégasques sont désormais 2e du classement derrière Guingamp et devant Nice. Saint-Etienne et Toulouse se neutralisent 0-0. Bordeaux a dominé le derby de l'Atlantique contre Nantes 1-0. Et ben voilà, des nouveautés dès le début du morning avec le PSG. Merci Rémi pour les infos. On t'en trouve dans une demi-heure. Yep, à tout à l'heure. À tout à l'heure et bonjour tout le monde. Il est presque 6h. Vous avez vu, on est même en avance pour le premier jour de cette rentrée. Il est 5h59. Bonjour, bonjour. Bonjour Romano. Bonjour, bonjour Cédric. Ouais, bonjour tout le monde. Et on garde la meilleure pour la fin. Bonjour Carriole. Bonjour. Bonjour et bienvenue. On est lundi. C'est parti. C'est la rentrée sur Sky. C'est la rentrée du morning et toute l'équipe est déjà opérationnelle. D-Fool, celui que tous les profs aimeraient avoir comme élève. Hello. Hello, see. See, I phone you for the announce. Ou pas. Romano, le meilleur à l'oral. Cédric, le premier en géographie. L'océan Méditerranée. Et Carriole, la plus forte en tout. Bonne rentrée avec le morning de D-Fool sur Skyrock. The morning show. Bonjour, bonjour et bienvenue sur Skyrock. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour cette rentrée, content de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Plein de choses. Déjà, vous offrir 1 500 € toutes les demi-heures. C'est ce qu'on vous réserve pour cette première semaine de la rentrée. 1 500 € à gagner si vous répondez Skyrock. On a plein de chèques à vous offrir. Romano, je te laisserai l'honneur de tirer au sort le premier ou la première qui gagnera 1 500 €, j'espère. Mais il n'y a pas de problème, je tirerai. Donc c'est comme sinon tu vas tirer. Ouais. Comme c'est toutes les demi-heures, ce sera dans une demi-heure pour le premier rendez-vous. Ouais, 6h30. 1 500 € à gagner, c'est pour vous. Et toutes les demi-heures, vous gagnez plein d'argent. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, même maintenant, hein, 7-20-20. Vous envoyez 1 500, vous laissez tout ce qu'on vous demande et on vous appelle comme ça le matin pour vous offrir de l'argent. J'espère que vous êtes prêts. 6h30, premier rendez-vous et toutes les demi-heures pour cette première semaine. Oui, parce qu'on s'est dit que la rentrée, ça coûte cher. Et d'ailleurs, puisque la rentrée, ça coûte cher, vous aurez un conseil pas cher bonus en plus tous les matins. Eh ouais, comme et ça, ouais, un plus. Et ouais, 1 500 € à gagner en plus tous les matins dès... Allez, le premier rendez-vous, on vous l'annonce. Parce qu'il faut s'habituer aux nouveaux horaires, à tout ce qu'il y a de nouveau, de nouveaux cartables. Si vous avez vu mon nouveau cartable. Magnifique. Ah, il est beau. Magnifique. Comment vous avez fait? J'en ai pas. Il est où? Bah, c'est même que l'année dernière, en fait. J'ai pas de nouveau cartable, j'ai le même que l'année dernière. Ouais. Regardez mon cartable. Il est magnifique, hein. T'as vu, pas cher? Il est abusé. Oui, ISPAC. Ça te fait 10 ans, les ISPAC. Alors, les conseils pas chers, ce sera à 6h40 tous les matins, à 6h10, c'est-à-dire dans quelques instants. On va se réveiller avec le réveil de Star. Les stars se réveillent en même temps que nous le matin sur Skyrock et appellent les familles de France. Tiens, on va faire un petit jeu pour voir si vous êtes bien réveillé ce matin, si vous êtes bien là pour le début du morning. Tiens, qui se confie? On vit les t-shirts pour ouvrir. Allez, vas-y. Allez, vous nous dites, mais qui est donc la star qui va réveiller les familles dans un instant? Écoutez bien. Ça y est, on est prêt à partir. Eh ouais, on est prêt à partir pour okay, le morning. On est prêt, nous aussi. Eh bien oui, on est tous prêts. On meurt de chaud. On meurt de chaud. Ça y est, c'est fini la canicule. Hein. Vous avez entendu dans les infos. Ouais. Terminé la canicule. Terminé, fini. Aujourd'hui, des nuages, sauf autour de la Méditerranée. Ouais, mais mercredi, les températures remontent, mais ça ne sera plus caniculaire. J'ai vu ça, j'ai vu que le soleil revenait dès demain, de toute façon. Ouais, pour ceux qui le perdraient aujourd'hui, soleil dès demain. Alors, il fait trop chaud. On meurt de chaud. Si on faisait un petit plongeon, ça rafraîchirait. Oui, mais dans la baignoire, alors, le plongeon, hein, ouais, pour ce matin-là. Bon, c'est le réveil de Star dans un instant. Et puis, on vous salue, vous tous qui êtes là. Oui, vous l'avez reconnu. Allez, on va prendre le premier, là, qui va arriver avec nous dans un instant. Bonjour à vous. Bonjour, Célia. Non, c'est pas Olivier Tom. Ah bah non. Bonjour 9-3 en force. Bonjour à oui, c'est Sacha des Pokémon. À Vincenzo, à Vencio, à Crevette et à tous les autres. La bonne réponse était donc les Pokémon, l'événement de l'été. À part nos médailles aux Jeux Olympiques, parce qu'on a été bien. Je vous c'est vrai, 40, oui. 40 et quelques. 42. 42, ouais. 42, mais 42 médailles. Mais ouais, moi ça me fait rigoler parce que tous les journalistes, ils étaient là au début des Jeux. Oui, on n'atteindra jamais le score qu'on avait eu pour les Jeux d'avant. À Londres. Eh bien si, on a atteint le score, on l'a même déplacé d'une médaille, 42 médailles. Ouais. Bon, donc les Pokémon arrivent, vous tous, vous êtes là. Eh bien écoutez, ça tombe bien. Et du gros son pour se réveiller, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous ce matin? Justin Timberlake. Attention, attention, à des cartons de l'été. T'as dansé comme un fou là-dessus, toi. Complètement. Est-ce que tu vas pouvoir danser pour nous montrer comment tu sais danser ouais, dans le morning? Ouais, c'est pas 6 heures, pas de danse, là, je me réveille un peu, mais après je danserai dans allez, la matinée. Tata, comme ça, là. Bon, le morning, c'est parti. Le morning de la rentrée. Et à 6h30, n'oubliez pas, 1 500 € pour vous. Qui sera le premier gagnant ou qui sera la première gagnante? Je vous rappelle qu'on va tirer au sort parmi les numéros que vous nous laissez. Et en plus, dans l'annuaire, tout le monde peut gagner. Préparez-vous. Et Réveil de Star, ça arrive dans un instant. On va saluer aussi Sam des réseaux sociaux qui est là. T'as fait quoi sur les réseaux sociaux là pour ta première? Réseaux sociaux, alors là, je vais aller dans 30 secondes. Voilà, donc il a déjà rien fait. Il est déjà au taquet là. Bon, allez, bon réveil à vous aussi. Il est 6h04 sur Skyrock. Bonne journée, bon lundi, bonne rentrée. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Stop the Feeling sur Skyrock. On écoutait Justin Timberlake. Il est 6h07. Bonne journée, bon réveil. J'espère que vous allez bien. Ouais. Et j'espère que c'est bien pour la reprise. On est là, vous avez vu, hein, 6h08. Même Cédric est arrivé en avance aujourd'hui. Ouais. Pour vous dire qu'il se passe des trucs, c'est. Ouais. Ouais, ça sera la seule fois de l'année. C'était ouais. pour la rentrée. Hein. Exceptionnel. Hein. Bon, bonne reprise à vous. Il y a Cécile qui nous envoie un message qui nous dit bonne reprise. On a Julien avec nous en direct. Ah oui, il y a un instant, je vous ai fait écouter. J'ai fait écouter des voix, mais lui, il a trouvé. Bonjour Julien. Salut Juju. Salut Juju, du Blanc-Ménil. C'est ça. Ça va bien. C'est bien, t'as l'air réveillé ce matin, Julien. Ah ouais, ça bosse là, ça bosse. Ouais, parce qu'on se dit tout le temps à 6h, il est quoi, 6h08. Dans quel état vous allez être? T'es déjà en train de bosser, toi, Julien? Ouais, déjà. Bon, c'est normal que tu sois réveillé. Bon, vous avez vu, si vous êtes en train de vous réveiller pour aller bosser, il y en a déjà qui sont en train de bosser ce matin. Donc, 27 ans au Blanc-Ménil, tu as découvert que c'était Sacha des Pokémon que je vous avais fait écouter. C'est ça. Est-ce que tu as été victime, toi aussi, de la folie Pokémon? Ouais, malheureusement. Ah, t'as joué au Pokémon, à Pokémon Go, toi aussi? Ouais, j'ai insulté mes potes parce qu'ils jouaient et je m'y suis mis et ça m'a piqué. Ah oui, c'est ça, oui. En fait, quand tu n'y as pas joué, tu insultes les gens qui jouent, tu dis mais ils sont complètement cons avec leur truc. Et puis une fois que tu as joué, tu ne t'arrêtes plus. Romano, t'as testé parce que tu devais tester les Pokémon Go. Ouais, mais alors en fait, non, parce que je suis un peu parano et tu peux te faire, il faut te géolocaliser et j'ai pas trop confiance dans ces appareils. D'accord, tu as peur qu'on vienne te demander de l'argent après, tu as peur que, je sais pas, Pikachu arrive chez toi, qu'il fasse Pika Pikachu. Non mais hier, et qu'il te demande des sous. Hier soir, il y avait un reportage à la télé, justement, ils en parlaient et a priori, ils savent pas trop ce que le mec va faire de toutes les données récupérées. Parce qu'en fait, le mec sait précisément à quel moment où t'es et ce que tu fais, ouais. Quoi. Il te suit, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il te suit. Faut faire attention. Fais attention aux Pokémon. Romano a peut-être raison. Faut se méfier. Hein. Ah, moi, j'ai testé, moi, ce week-end. Ah, alors? Bah, je suis niveau 3. Oh, t'es naze. Bah, ouais, non, mais j'ai pas beaucoup joué. Moi, j'ai déjà capturé tous les Pokémon, moi. Ah, bah, j'en ai capturé 3 ou 4. Ah, ouais, c'est pas beaucoup. Ou peut-être un peu plus. Non, mais c'est pas. Ah, ouais, non, c'est pas beaucoup, non. Ouais, donc ça veut dire qu'il en a capturé 2, en fait. Ouais, c'est ça, ou même pas du tout. Ouais. Ou même non, pas du tout. Voilà, ouais. J'ai installé l'appli. Bon, Julien, on va te souhaiter une bonne journée. Merci de te réveiller avec nous. Tu seras le premier auditeur. Tu as été le premier auditeur de cette nouvelle saison du Morning. Ça fait plaisir. Bah, j'espère que tu vas lui porter chance, hein. Bah, oui. J'espère. Et j'espère que tu porteras chance aussi au prochain quand on aura en ligne, parce qu'on va rejouer ensemble dans 10 minutes. Préparez-vous, on va jouer à l'invité mystère dans 10 minutes. Mais là, c'est l'heure de retrouver le réveil de star. C'était un peu comme une star, Julien, ce matin. Mais, ah, là, ça fait plaisir. Mais là, les stars, eh ben, c'est les Pokémon. N'essaye pas de les attraper, Julien, tu n'y arriveras pas, ceux-là. Non, c'est sûr. Salut, Julien. Salut, bonne journée, bon courage. Et bonne journée à toi. Réveil de star, tout de suite. C'est parti. Les stars réveillent la France. Veuillez décliner votre identité. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Veuillez décliner votre identité. Ouais, déclinez votre identité. Eh, ça faisait depuis la dernière fois que j'ai été arrêté par la police où on m'avait pas posé cette question. Ça. Ouais, déclinez votre identité, s'il vous plaît. L'identité de la personne que on a appelée s'appelle Régis. Donc son identité, c'est Régis. Et il est appelé par Sacha des Pokémon. Ouah, la classe. La classe. Le réveil de star, qu'est-ce que ça va donner? La rencontre tous les matins à 6h10. Oui, allô? Allô? Allô? Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça peut aller. Bah c'est qui? Je m'appelle Sacha et je vais devenir maître Pokémon. Putain mais t'es con ou quoi là? Le professeur Chen du Bourg Palette nous envoie chercher quelque chose. Quoi? La GS Ball. Eh, hey, d'abord tu m'emmerdes. C'était quoi? Je sais pas, non, un connard. Dis, je suis Pokémon. Mais il va te faire foutre, connard. Tu vas regretter ce que tu viens de dire. Eh oui, elle va répéter ce qu'elle vient de dire, mais il va falloir qu'on la rappelle alors. Ah bah sinon, sinon ça tombe un peu à l'eau. Hein. Allez, on y retourne. Ah Sacha, vous feriez quoi si vous aviez Sacha des Pokémon au téléphone? Ah bah je serais ému moi. Ah moi aussi. Trop d'émotion. Ah moi je demanderais une dédicace. Je peux pas me faire une dédicace. Donc c'est la femme de Régis. Régis, oui. Sa femme. Allô? Non mais tu crois que ça me fait rire? Hein, je veux devenir un maître Pokémon. Ouais, bah les Pokémon, alors. On va te tuer avec ton Pokémon. Tu vas grimper aux arbres avec tes Pokémon. Pokémon. Je vais te tuer. Je vous préviens, vous ne me faites pas peur du tout. Ouais, non, moi non plus. Je vais te montrer qui de nous deux est le plus dangereux. Ouais, bah dis-moi où, Pokémon. Entrons dans l'arène et on verra qui est le plus fort. Ah, les arènes. Régis? Ben non, il est pas là. Où est-il? Il y a un guignol qui veut te parler à Sacha Pokémon. Ah. Régis, il arrive, seul passe. Sacha Pokémon. Putain, mais c'est qui? Allô? Allô? Oui. Salut, comment ça va? Qui vous êtes? Moi, c'est Sacha, et je veux devenir un maître Pokémon. Attends. Qui vous êtes déjà, monsieur? Je m'appelle Sacha. Oui, je m'en fous, tu t'appelles Sacha. Mais ça, c'est ton surnom. C'est même pas vrai. Ouais. Je veux devenir un maître Pokémon. Ouais, alors j'en ai rien à péter, moi, de maître Pokémon. Pokémon. Ouais. Le professeur Chen du Bourg-Palette nous envoie chercher quelque chose. Et maman, donne ta gueule, quand tu vas venir, tu veux voir comment ça va être? On n'a pas peur de vous, pas vrai, Pikachu? Alors, écoute, tes jeux là, tu t'amuses où tu veux et tu me casses pas les couilles, ok? Je parie que je peux te battre quand je veux, les yeux fermés! Bon, écoute, me pète pas les couilles, moi j'en ai rien à foutre de tes conneries là. Ah, tu vas regretter ce que tu viens de dire. Si tu viens, ça va être un coup de fusil. J'accepte le défi. Mais non, mais c'est quelqu'un qui connaît papa, qui veut l'emmerder, qui connaît la voix. Bah oui, évidemment. On a gagné. Ouais. Évidemment, c'est quelqu'un qui connaît Sacha, mais évidemment. Ah, mais évidemment, c'est quelqu'un qui connaît papa qui veut le faire chier. Sacha connaît Régis. Ah, Régis, maître Pokémon. Alors lui, il n'a pas été victime de la folie Pokémon, vous avez remarqué. Hein. Le réveil de Star. Le retour du réveil de Star à 7h10 tout à l'heure. Vos conseils pas chers à 6h40 et dans un instant, on va jouer ensemble. L'invité mystère à découvrir, préparez-vous. Il y a des cadeaux à gagner, on va vous offrir votre iPhone 6S avant l'arrivée du 7. On a encore l'iPhone 6S à vous filer. C'est juste après Mark Ronson sur Skyrock, c'est Uptown Funk. En direct de l'appart, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Hallelujah. Girl, sit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Hallelujah. Just why? Hey, hey, hey, oh! Mark Ronson sur Skyrock. On écoutait Uptown Funk. Bon réveil, bonne journée. Les 6h18 sur Skyrock. C'est le morning. Et dans, ouais, allez, 12 minutes, un petit peu plus, juste après Rémi, pour les infos, vous retrouvez vos 1500 euros. Et ouais, profitez-en, toute la semaine il y a 1500 euros à gagner et on vous les offre toutes les demi-heures. Il suffit de répondre Skyrock dès qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. Dans ce cas-là, le chèque, il est pour vous. Ouais, c'est gagné. Et il sera peut-être pour toi, Cariole. Je vois que tu as l'air très très excité ce matin. Très excité. C'est sans doute à l'idée de nous retrouver. Je vois que tu as Cédric à côté de toi et ça, ça doit être ça, l'excitation maximale. Ça fait craquer. Ah, j'en peux plus. Tu sais que Romano est venu me voir pendant qu'on écoutait Mark Ronson et il m'a dit, est-ce que je pourrais changer de place pour me mettre à côté de Cédric? Ah ouais, bah, pff, alors c'est réservé pour Cariole. Ouais, bah non, bah écoute, ça va très bien, alors, les emplacements comme ça. Voilà, tu veux pas bouger alors? Non, c'est bien, moi je reste derrière ma table de mixage. Très bien, on va jouer ensemble, on va retrouver notre invité mystère ce matin. Il va falloir nous dire qui est l'invité mystère, tout ça au 41-759. Ah oui, je sais même pas si je vous ai donné les numéros de téléphone pour nous joindre. Alors c'est simple, 41-759, c'est pour nous envoyer vos SMS dès que vous avez envie de réagir à l'émission, dès que vous avez envie de nous dire un truc, dès que vous voulez faire l'écho avec nous, il n'y a pas de problème, ça marche. Et sinon, le 01-53-40-30-20 pour nous laisser... ça marche aussi. Pour nous appeler directement et tomber ou sur Cariole, ouais, ou sur Cédric. C'est la roulette russe. C'est ça, ouais. Voilà. C'est ça, c'est varié au moins. Hein. Ouais, c'est qui tout double, quoi. Qui tout double, c'est ça. Bon, alors, l'invité mystère à découvrir, écoutez bien. Attends, il y a même un jingle... Pour l'invité mystère. Ah bah oui, bah oui. Ah ouais. L'invité mystère. What? Le voici. On met en jeu. Allez, on fait fort cette semaine. On vous met un iPhone 6S en jeu. Un iPhone à gagner au 41-759. Notre invité mystère est là. Bonjour, Man. Ah, bonjour à tous. Ah, comment ça va? Oui, la musique, c'est la base. Alors, la musique, c'est la base. On en a plein ce matin en plus. Hein. Si tu aimes la bonne musique, on en a plein. Qu'est-ce qu'on a dans un instant? Maître Gims, écoutez. Ouais, c'est ça. Avec ma beauté. Ma beauté. Que je dédicace à Cédric, bien sûr. Bien sûr. C'est gentil, merci. J'y crois. Non, alors, vous avez reconnu l'invité mystère parce qu'il faut quand même découvrir celui qui nous a dit bonjour et qui nous a dit la musique c'est la base. Alors, qui c'est notre invité mystère? On va le retrouver dans un instant en plus. Hein. Et à très bientôt. Oui, bah dans un instant, dans 2-3 minutes, le temps que vous trouviez la bonne réponse. C'est qui notre invité mystère? Vous avez une idée? 41-759. Et alors, c'est pas Maître Gims, c'est pas Omar Sy. Je pense que vous allez galérer pour découvrir. Il y a rien à voir avec la musique en fait. Il y a rien à voir avec la musique. Un peu, mais... Non, mais il est pas artiste. Non, il est pas artiste de musique. À la base, en tout cas. Ce n'est pas Kad Meran, ce n'est pas Teddy Riner. Ça aurait pu être Teddy Riner, un des héros des Jeux Olympiques de cet été. Médaille d'or. C'est pas lui. Putain, un nombre de messages sur Teddy Riner, il y en a plein qui nous laissent ça. Joe Star, non plus. Non, Joe Star nous aurait déjà insulté. C'est pas lui, hein. Ouais. Non, c'est pas lui. Ah, c'est lui qui rit, notre invité mystère. Alors, qui c'est notre invité mystère? Bonjour à tous. Si vous voulez votre iPhone 6S, eh ben c'est maintenant qu'il faut jouer avec nous. Vous nous dites qui est-ce et vous repartez avec l'iPhone. À vous de jouer. Je vous donne un petit indice. Oh non, je vous donne pas d'indice. Non, d'indice. Pas d'indice. On va voir si vous êtes... De toute façon, Cariole est bien capable de vous en donner un parce qu'elle n'a pas reconnu, je suis sûr. Non, je sais pas. C'est Danny Boone. Non. Eh bien non, Cariole. Non, je dis ça, c'est Danny Boone parce que il y a... C'est qui? Van Dave qui nous a dit c'est Danny Boone. Non, c'est pas Danny Boone. C'était pas Djibril Cissé. J'étais sûr que vous alliez galérer. Allez, l'invité mystère. Oui, la musique, c'est la base. Et bien, la musique de Maître Gims, alors, qui arrive tout de suite sur Skyrock. Maître Gims et ma beauté sur Sky. Maître Gims fait sa rentrée sur Skyrock. Skyrock. Gagne tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS. Mécanique Résurrection. Jason Statham reprend du service. Tu as 36 heures pour éliminer toutes les cibles de cette liste. Sinon, c'est moi qui vont éliminer. Trois continents, trois cibles à abattre et 36 heures pour sauver celle qu'il aime. Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Jones. Mécanique Résurrection. La mort n'attend pas. Comme moi, le 31 août au cinéma. Avec Skyrock. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 euros. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, et dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Le Morning de Difool, 3 heures de déconne en direct tous les matins sur Skyrock. The Morning Show. Oui, le morning, ça a démarré il y a 25 minutes. Vous êtes là pour le début du morning, pour cette nouvelle saison. Content de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour à Charlie qui est avec nous. Salut Charlie. Salut. Salut. Bonjour Salut. À notre invité mystère. Bonjour l'invité mystère. Ah, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Charlie. Oh, tu es en Bourgogne-Franche-Comté, dis donc. Ah, bah salut Bourgogne. Eh ouais, à Dole. Ouais. Dole. À chaque fois, je me plante. C'est Dole. On est à Dole. Charlie, tu as découvert le nom de l'invité mystère. Qui est donc l'invité mystère? C'est Paul Pogba. Eh oui, Paul Pogba. C'était Pogba World. C'est le Pogba World, c'est ça, ouais. Pogba World. C'est Pogback. Pogback. Ben oui, parce qu'il est revenu à Manchester et maintenant il l'appelle comme ça, c'est Pogback. Ah, bien joué. Parce qu'il a débuté sa carrière. Mais hier matin, j'ai regardé téléfoot. Ah non, mais je vois que tu as bossé l'émission, mais comme un ouf. Hein. Ah ben, c'est bien tombé aussi. Hier matin, il y avait un reportage sur Paul Pogba. Ouais. Et vu qu'il a débuté à Manchester quand il avait 19 ans, je crois. Manchester United. Et maintenant qu'il est de retour, ils l'ont appelé, c'est Pogback. C'est Paul Pogba. Eh ouais. Et transféré pour 110 millions. Alors, c'est le plus gros transfert. Non, plus même, non. 110 millions, non, c'est le bon chiffre. Millions. Non, c'est bien, c'est bien. Prime, bonus compris, tout compris. Ah bah voilà. 110 millions. T'aimerais bien gagner 110 millions. Ah bah ouais. Charlie, t'aimerais bien gagner 110 millions. Ça, c'est sûr. Eh ouais. C'est pas ce qu'on va t'offrir. Non, hein. Non. Peut-être non, qu'un jour, on t'offrira 110 millions. Là, maintenant, non. Hein. Bah, tu gagnes quand même l'iPhone 6S. Il est pour toi. Le dernier iPhone, il est pour toi. Bravo, Charlie. Ah, merci beaucoup. Eh ben, écoute, merci ça à toi. Plaisir. Félicitations. Tu suis un peu le foot, Charlie? Ouais, un peu, ouais. Ouais, tu as vu hier le PSG. Première défaite au bout de 3 matchs. Hein. Ça fait peur. Hein. Ah oui, Charlie, ça fait peur. En effet, les Parisiens, qu'est-ce qui vous arrive? Ibra est parti. Ça va, soyez pas terrorisés non plus. Hein. Ça fait peur, il a raison d'avoir peur. Ouais, vous n'êtes pas habitué à perdre, c'est vrai. Hein. Ouais. Zlatan est d'ailleurs dans la même équipe que Paul Pogba. C'est ça. Et oui, avec Gareth Bale, meilleur salaire de Première Ligue, Paul Pogba. Il gagne, en plus des 110 millions du transfert, il gagne 17,7 millions par an. Ça va. Ce qui est quand même pas mal. Franchement, une belle négociation. Ouais, Wayne Rooney est à 15,6 millions derrière. Et Zlatan, la même équipe, tout ça. Et à 15,1 millions, il va pas être content, Zlatan. Non, c'est clair. Bon, en tout cas, bravo à toi, Charlie. Félicitations. Merci beaucoup l'équipe. Tiens, attends, bouge pas parce que Romano ça m'énerve, il connaît tout en foot, j'ai pas l'habitude. Alors Romano, quel est le deuxième meilleur transfert de toute l'histoire du football? Quel est le joueur qui a été transféré, le deuxième meilleur transfert? Bah c'est pas Gareth envoyez Bale. Envoyez pas putain. Mais comment tu sais? J'allais dire envoyez pas de message, j'aimerais qu'il se plante. Et tu sais que Zidane, il est encore dans le top 10 des meilleurs transferts. Ouais, de l'histoire du foot. Parce qu'en 3, j'ai Cristiano Ronaldo, en 4 Neymar, après Luis Suarez, James Rodriguez qui est là, Angel Di Maria, Zinedine Zidane à la 6e position. Classé, 77 millions, c'est ça? Mais comment tu... Non, 75. Ah, il s'est trompé. Ah, il est nul. T'as vu un peu? J'ai grave révisé cette année. Ce chèque Rémi, dans les infos, il a un peu de mal avec le foot, donc je l'aiderai cette année. Mais je crois que Pogba, c'est 120 millions, par contre. Non, 117. Voilà. Ouais, bah ça se rapprochait plus des 110. Bon, voilà pour... non, c'est 110. Arrête de dire des bêtises, Rémi. C'est vrai qu'il y connaît rien, t'as remarqué, Romano. Quel gros naze, il intervient, il dit de la merde. C'est incroyable. Incroyable, mais... Laisse faire les pros, quoi. Je fais une fouille. Allez, Charlie, téléphone à la maison. Il y en aura un autre à choper dans moins d'une heure. On jouera à Info Mytho à 7h20. Le grand retour d'Info Mytho. Il est 6h29. Allez, on a le temps d'écouter Panda, designer. Et juste après, vos infos et vos 1500 euros à gagner. 1500 euros si vous répondez Skyrock. C'est toutes les demi-heures cette semaine. Profitez-en. Hein. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Gah. L'émission ressemble parfois à un zoo. Regardez Cédric par exemple. Hein. Luna. Ouais, il est là. Et on a Panda, designer. I got broads in Atlanta. Just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, they like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pocket smoke, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet you bandit. Hope killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it family? Packers roll, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet you no. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the fan. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy. Family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy. Family. Why is it panda? Packers full. Danny. Selling ball. Candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda sur Skyrock. On écoutait ce gros son, le gros son de designer. Encore une découverte Skyrock. Gros carton aux States, gros carton Skyrock de cet été. Ça nous a accompagné tout l'été, ça nous réveille ce matin à 6h31. On fait le point sur l'actu et dans un instant vous allez gagner 1500 euros. C'est comme ça tous les matins sur Skyrock. En tout cas pour toute cette semaine, toutes les demi-heures, 1500 euros à gagner. L'année dernière, ouais, c'était toutes les heures, on a décidé de revenir. Parce que les vacances, ça coûte cher, la rentrée, ça coûte cher. Avec plein de chèques à vous offrir, 1500 euros à gagner. Il suffit de répondre Skyrock quand on vous demande quelle est votre radio préférée. Skyrock. C'est oui. Bien Romano. Rémi, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Ah ouais. T'es pas obligé de prendre une voix de débile pour dire Skyrock. Hein. Skyrock. Allez, les infos, c'est parti. 6h32 maintenant, on fait le point sur l'actu. On commence par la météo pour aujourd'hui. Et ciel couvert dans l'ensemble aujourd'hui, quelques averses attendues. Des Pyrénées à la frontière belge en passant par le centre et l'île de France. Le soleil va revenir dans l'après-midi en Bretagne, en Normandie et sur la Gironde. Les températures en baisse, comprises de 15 à 20 degrés dans la matinée. Il fera entre 19 et 24 dans l'après-midi et jusqu'à 32 autour de la Méditerranée. La pollution moyen, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Dunkerque, Poitiers, Angoulême, Marseille et Bastia. Et une bonne nouvelle, les conseils pas chers, c'est aussi entre 6h et 7h, parce que les auditeurs qui se réveillaient tôt se sont plaints, Romano. Eh bien, les conseils pas chers arrivent, tout neuf. Tu sais que nous avons reçu des milliards et des milliards de plaintes. Pourquoi les conseils pas chers, ça ne démarrait qu'à 7h? Eh bien, cette année, ça démarre avant. Voilà, à 6h40, vos conseils pas chers, ils arrivent, on en reparle dans un instant. Vos 1500 euros, juste après, le point sur l'actu pour tout savoir, c'est Rémi. Et la rentrée aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous, les vacances, bah ça y est, c'est fini ou quasiment fini. Les élèves sont attendus jeudi et vendredi selon les classes. Ça risque de chauffer dès la semaine prochaine. Le syndicat SNEF FSU est toujours vent debout debout contre la réforme du collège. Les enseignants sont invités à une résistance pédagogique et à faire grève dès le 8 septembre. La colère des producteurs de lait qui pourrait prendre de l'ampleur aujourd'hui. Une réunion est prévue ce midi après l'échec des négociations de vendredi. Les éleveurs demandent une augmentation du prix du litre de lait. C'est le numéro 1 mondial des produits laitiers, Lactalis, qui est directement visé. Cela fait une semaine que l'usine de Laval est bloquée. Les syndicats promettent une étendue du mouvement, peut-être au niveau national. Des manifestations pourraient être organisées ainsi que des actions dans des supermarchés. Un blocage est déjà prévu ce matin à Cesson-Sévigné, près de Rennes. C'est la première attaque et sûrement pas la dernière. François Fillon a fait un meeting hier dans la Sarthe et n'a pas manqué de lancer des piques à Nicolas Sarkozy. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? C'est la question lancée au public par le candidat à la primaire et ex-premier ministre. Il a rajouté que ça ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Et on fait le point sur le sport et le foot. Attention, attention, Paris a perdu son premier match, troisième journée et déjà une défaite. Ouais, fin de la troisième journée de Ligue 1. Surprise sur la pelouse de Monaco, le PSG s'est pris une gifle par les hommes du Rocher. 3-1, les Monégasques sont désormais deuxième du classement derrière Guingamp et devant Nice. Saint-Etienne et Toulouse neutralisent 0-0. Bordeaux a dominé le derby de l'Atlantique contre Nantes 1-0. Un dernier match ce soir pour le compte de la cinquième journée de Ligue 2. Sochaux reçoit Brest, coup d'envoi à 20h39. Et puis du rugby avec l'épilogue de la deuxième journée du top 14. Montpellier a été battu par Clermont à domicile. Score final 22-26. Au classement dans l'ordre, Toulouse, Castres et Bayonne. Et merci, 20h39 le match. Ouais. À 20h39. 29h30. 20h30. Ah, 30. Ah d'accord, ok, je me disais. J'ai dit 39. Aussi. 20h30. Oui. Voilà, il est bien 6h34 sur Skyrock. Et Rémi, le retour des infos tout à l'heure à 7h. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. C'est la rentrée du morning. Et toute l'équipe est déjà prête. Anthony. Oh. Salut les filles. Est-ce que vous avez des bonne rentrée avec le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Je venais plein de morts. Oui, on est là et c'est l'heure de vous offrir 1 500 euros et bientôt l'heure des conseils pas chers. On peut dire que c'est même le quart d'heure sur Skyrock, quart d'heure de l'argent. Le quart d'heure économique, oui. Oui, le quart d'heure économique. Pour faire des économies, répondez Skyrock quand on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. Et écoutez les conseils pas chers tous les matins à 6h40, 7h40 et 8h40. Ouais, ouais, ouais. Trois occasions pour gagner beaucoup d'argent. T'as envie de devenir riche cette année, toi? Millionnaire, milliardaire peut-être, autant que Gingent. Comment? Autant que Bill Gates. Ah, autant que Bill Gates. Très bien, très bien. Ouais, j'ai vu que sa fortune avait encore grandi. Ça, ouais, c'est, alors qu'il n'a pas besoin. Hein. Non, ça va, ouais. C'est vrai. Hein. Bon, vous avez peut-être besoin d'argent. Pour gagner de l'argent, c'est simple. Vous pouvez vous inscrire au 7-20-20. Vous augmentez vos chances de gagner. On va voir dans où a été effectué le tirage au sort. Ou au 7-20-20. Ou alors sur tous les annuaires de France. Parce que même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez gagner 1500 euros. Hein. 1500 euros à gagner. C'est l'heure. Tu veux faire le tirage, Romain? Allez, vas-y. Le premier tirage, c'est pour moi. Regarde, t'as plein d'enveloppes. Tu choisis celle que tu veux. Mode d'emploi pour choper 1 500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? Ouais, c'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Skyrock. Tu gagnes. Tu gagnes. Simple, hein? Facile, simple. 1500 euros. Alors attention, j'ai choisi une enveloppe. Oui. Et attends, je vérifie juste que ce soit pas une enveloppe, que ce soit une enveloppe officielle. Non, mais c'est vrai enveloppe. Scellée par l'huissier. C'est bon, c'est vrai. C'est vrai enveloppe. Non, mais je me méfie parce que bon, vous le connaissez un peu. Hein. Alors j'ouvre l'enveloppe. Tu ouvres l'enveloppe. Et attention, je vous dis. Dans quelle région nous allons? Nous allons dans le 44. Dans le 44? Dans le 44, à Nantes. Ah, 44. À Nantes. Chez Anthony Rimasson. Anthony Rimasson. Anthony Rimasson, attention. Tiens, Cédric, tu as le numéro, c'est parti. Ouais. Si tu réponds Skyrock, Anthony Rimasson, c'est gagné. Ça a été tiré où? Ça a été tiré dans l'annuaire? L'annuaire. L'annuaire. Numéro pris au hasard dans l'annuaire. Ça vous laisse le temps de vous inscrire au 7-20-20, hein, si vous voulez. Hein. 7-20-20, vous envoyez 1500 au 7-20-20 pour gagner. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame Rimasson. Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi je vous appelle? C'est pas grave, madame Rimasson. Pas de panique. On est en direct à la radio, on fait notre rentrée, on vous appelle pour vous offrir 1500 euros. Il y a 1500 euros à gagner. C'est quoi votre prénom? Écoutez, oui. J'aimerais bien dormir. C'est long, s'il vous plaît. Ah, vous aimeriez bien dormir. Nous aussi, vous savez, là, il faut rentrer un jour ou l'autre. Hein. Nous aussi, on était contents de faire la grasse matinée pendant toutes les vacances. Bon, on est aussi contents de te vous retrouver, surtout pour entendre une voix aussi sensuelle au réveil. Non, je ne vous crois pas. Si, tu as une voix sensuelle au réveil. Ah, si, terriblement. Oui, non, mais je ne vous crois pas en ce qui concerne la radio. Donc, excusez-moi, je vais me recoucher. Ah, au revoir. Eh bien, au revoir. Merci. Au revoir, de rien, madame Rimasson. C'était Skyrock, au fait, hein, madame Rimasson. C'était vraiment la radio. Oui, mais le Skyrock, je n'écoute pas. Ah, ben, Skyrock. Ben oui, mais tu dors, c'est normal. Non, j'écoute France Inter, excusez-moi. Mais tu ne t'excuses pas, c'est pas grave, nous adorons France Inter également. En tout cas, dis-le à Anthony, ça lui fera plaisir. Anthony va être content. Voilà, on te fait une grosse bise. Au revoir. Au revoir, France Inter. Voilà. Et oui, Skyrock tape à la porte des grands. Eh ouais. C'est écoute, bon, bah, désolé pour Anthony, la Anthony va faire la tronche. Désolé pour la famille Rémasson. Elle voulait continuer sa grasse matinée, mais c'est normal. Hein. Ah bah oui, c'est dur. Bon, dans une demi-heure, c'est peut-être pour vous. Fallait m'appeler, dit Foul. Mais oui, je sais, Ahmed, qu'il fallait t'appeler. Eh ben peut-être dans une demi-heure. Inscris-toi à 720-1500 et tu gagnes. Dans un instant, Romano, j'espère que ça marchera mieux pour les conseils pas chers. Bah hein. J'espère aussi. Je croise les doigts. Moi aussi. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là là là là, le rêve. Dès le réveil, dès le réveil. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock. Eh oui, un artiste Sky que vous avez découvert ici et ça fait un petit moment déjà. Et des surprises concernant Drake. Si vous aimez Drake, restez bien sur Skyrock. On a plein de surprises pour cette rentrée. C'est notre rentrée aujourd'hui, la rentrée de Sky. Tout à l'heure à 9h, vous retrouverez Fredo, le grand retour de Fredo sur le 9-12. Ouais. Et puis là, bah, jusqu'à 9h, c'est nous, grand retour de l'équipe. Ouais. Cariole est là, oui. Cédric aussi. Ouais, je suis là. Ah, ça fait plaisir de te revoir le matin, Cédric. Ouais, si on veut. Ah mais c'est vrai. Quoi, si on veut. C'est comme si on était dans un rêve. Ouais, putain, un rêve, c'est plutôt un cauchemar le truc. Mais... Romano est là aussi, on fait une bise à Karim qui était là avec nous l'année dernière, qui sera pas avec nous cette année. On lui souhaite bon vent, bon courage pour la suite. Et nous avons Samy des réseaux sociaux qui s'occupe de tout ce qui se passe sur les réseaux. Si vous avez un problème sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous plaindre. À vous plaindre, oui bien sûr. Nous le tenserons et nous le violenterons comme il le faut. Ben bien sûr. Exactement. Bon, c'est l'heure des conseils pas chers. Allez, conseils pas chers, c'est parti. Oui, nouvelle horaire des conseils pas chers. Vous les retrouvez entre 6h et 7h aussi maintenant. Parce que vous l'avez réclamé, les voici. À 6h40 tous les jours. Bon, là, il est 6h42. Un peu de retard pour bien commencer. Ouais, mais bon, ça, vous avez l'habitude. Ben, aux alentours de 6h40, conseils pas chers. Alors, aujourd'hui, on fait quoi dans les conseils pas chers, Romano? Alors, on peut faire drague. Oui. Drague et wifi gratuit. Ah, je me disais, parce que drague, à moins de te faire payer de devenir prostituée, je vois pas comment t'aurais fait, quoi que t'es capable. Non, parce qu'il y a une ancienne Miss France, Camille Serre, la blonde avec le grand nez. Oui. c'est comme ça, si vous voyez pas qui c'est, vous voyez tout de suite. En fait, elle habite dans un immeuble, il y a un voisin qui l'a repéré, et en fait, il a changé le nom de son réseau Wi-Fi. Ouais. Il a mis Miss France, je t'aime. Ah, pour la draguer? Pour la draguer, bon, ça n'a pas marché, hein. Ah. Ah ouais, c'est vrai que tu peux, mais tu, moi je peux pas mettre de nom. Moi je m'appelle Livebox 2742. Je crois que c'est pas chez tous les opérateurs que tu peux demander à l'opérateur. Ah donc lui il a mis Camille, je t'aime. Ouais, ouais, ouais. Il habite à côté d'elle. Non, il a mis Miss France, je t'aime. Ah, bon, Miss France, je t'aime. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Hein. Oui. Y a rien eu entre eux. Hein. Non, il s'est rien passé. Donc une technique de drague, mais de merde. Quand même. Bon, enfin, c'est original, on en parle. Vous avez non, vu. Mais bon, à tester. Et moi ce matin, je vais demander aux familles si elles peuvent pas me prêter le Wi-Fi. Je viens d'aménager, c'est la rentrée. Je n'ai pas d'argent pour payer ma connexion. Je vais demander aux familles si je peux pas me connecter directement sur leur box pour avoir internet gratuit pas cher. Alors, comment avoir internet gratuit pas cher? Démonstration tout de suite. C'est parti pour les conseils pas chers. À la maternelle, ils carottaient déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics? Romano, le roi des escrocs. Oui, le roi des conseils pas chers. Oui, c'est vrai que t'as commencé très tôt, hein. Ouais, très tôt, ouais. Allez. Alors, vas-y, Cédric, là, on va chez Hervé. Allez, on va chez Hervé. Donc, Hervé, tu vas tenter de lui piquer son Wi-Fi. Va-t-il réussir ses conseils pas chers? Il y a internet, Hervé. Rassure-moi, Cédric. Bah oui. Ah oui, il en sait rien. Il en sait rien du tout. T'as pas internet. Il a dit bah oui, mais il en sait rien. Alors, va-t-il réussir ses conseils? On fera un petit bilan à 9h pour voir combien t'as gagné, ce que t'as réussi à gratter. Hello. Ce matin. Oui, bonjour, c'est Hervé. Oui. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, oui. Ça va, ça va. Dites voir, je suis un nouveau voisin, là, je suis étudiant, je viens d'aménager, et j'ai pas encore internet dans mon appartement. Est-ce que je pourrais vous en prêter votre Wi-Fi? Vous êtes où? Pas loin de chez vous, là, 2-3 maisons à côté. À Trigny. À Trigny. Oui. Oui, et je voulais savoir si je pouvais vous emprunter votre Wi-Fi. La Trigny. Mais vous êtes qui? Monsieur Lapince. Et vous habitez où? À Trigny. Vous pouvez me prêter, Trigny? Votre internet, à Trigny? Hervé. Hervé? Hervé, es-tu là? Tu es bien à Trigny? Hervé, j'arrive à la maison, je vais me connecter avec mon ordinateur et mon téléphone. Je crois que sûr, le Wi-Fi à Trigny, c'est Hervé, c'est pas ça. Il est pas arrivé le Wi-Fi à Trigny. Non, mais bon, on va dire que c'est tôt. Les gens ont pas l'habitude des conseils pas chers tôt. Bah attends, je vais quand même faire un deuxième essai. Je te propose. Je vais pas rester sur, un échec. Moi aussi, je te propose un deuxième essai. Alors attention, un deuxième essai. Philippe. C'est Philippe. Oui. Oui. Bonjour. Comment tu vas, Philippe? Oui. Je te reconnais pas. C'est normal. On se connaît pas encore. C'est Monsieur Lapince. Je suis un nouveau voisin, un étudiant. Et, oui. en fait, j'ai un petit problème, j'ai pas encore internet et je dois rendre un gros dossier là ce matin. Ah ben moi j'ai pas internet non plus. Ah ben il faudrait l'acheter. Est-ce que ce matin je peux t'accompagner chez un fournisseur d'accès internet pour en prendre internet et tu le payes et moi je m'en occupe après. C'est bien internet. Attends, t'es sûr que tu me connais? Ah ben je te connais, je t'ai croisé hier, t'es tout rouge. T'es tout rouge. Hein? T'es tout rouge du visage. Mais c'est pas le soleil, c'est ça que tu veux lui dire. Hein? Thierry? Non, Philippe. Ah Philippe. Bon, ben, j'arrive dans 5 minutes, Philippe. L'autre con, il m'appelle un mec qui n'a pas internet aussi. Alors, Cédric, je vois que l'enquête a été bien effectuée avant la sélection des familles. Ah, je croyais qu'il avait internet. Philippe, on va acheter internet, hein. Voilà. Bon, et Romano, ce que je te propose. Non, ben, moi, ce que je me propose, c'est d'en faire un troisième. Voilà. Et après, allez, si ça ne marche pas, tu demandes des dommages et intérêts à Cédric. Ouais, mais faut-il appeler des gens qui ont internet? Ben, normalement, il a internet, hein. Ouais. Ben, ouais, bien sûr, ouais. Non mais il y a des gens encore qui ont pas internet. Bah la preuve, ouais. Regardez, hein. Machin là, comment c'est Philippe. C'est Philippe. Rien Philippe, du tout, lui, que dalle. Internet, fit. Oui, allô. Gérard. Oui, bonjour, c'est la femme à Gérard. Oui. Oui, bonjour, est-ce que Gérard est dans le coin? C'est pour internet. On te demande si internet. C'est pas des conneries, c'est des conneries, c'est vous pouvez vous faire foutre. Ah non non, c'est pas, je vous explique, je suis un nouveau voisin moi. Oh, bon. Voilà, très bien, voilà. C'est une grande réussite. Vous allez vous faire foutre. Très bien. Cédric, tu vas être obligé de filer ton code internet à Romano parce que pas le choix. Il a plus d'internet. J'ai plus d'internet, ça coûte trop cher. Bah, voilà. Faut payer, mais. Et si le voisin, parce qu'on est très écouté à Lille, première radio musicale à Lille, on vous salue les Lillois, c'est Skyrock. Si vous êtes le voisin de Miss France et que vous avez changé votre box et vous avez écrit Miss France, je t'aime. Je t'aime. Bon, ça n'a servi à rien, ça aura même pas servi pour les conseils pas chers de Romano, c'est pour vous dire. Oh, ça, on en aura parlé ce matin. Bon, rattrapage dans moins d'une heure, tout à l'heure à 7h40. Retour des conseils pas chers, un nouveau conseil pas cher à découvrir. Ah bah bien sûr. Ouais. Et votre horoscope de l'amour dans une minute sur Skyrock. L'horoscope arrive. À tout de suite. Et le son aussi, qu'est-ce que t'as prévu Romano? Major Lazer. Ah, le nouveau, super. ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 euros. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. Allez, c'est reparti, c'est même pas une minute, c'est 30 secondes. 30 secondes, elles sont passées. Voici l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et ouais, les 12 signes et leur puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. 0 pour les scorpions et les lions. Vous aurez tendance à faire une fixette sur vos petits défauts physiques aujourd'hui. Eh bien, ne vous inquiétez pas, tout le monde a des défauts. Oui. Une photo de Cédric va être diffusée d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux de Skyrock d'ici quelques instants pour rassurer les scorpions et les lions ce matin. 1 sur 5, les cancers et les sagittaires. Célibataires, n'ayez pas peur de prendre quelques risques aujourd'hui. Si vous voulez qu'on vous remarque, et puis en couple, votre partenaire sera pas vraiment d'humeur à écouter vos reproches, donc soyez cool aujourd'hui. Cancer, sagittaire, 1. 2 sur 5, les béliers et les balances. Vous douterez des sentiments d'une personne de votre entourage. Attendez quand même d'en savoir plus avant de prendre une décision. 3 sur 5, les vierges et les poissons. C'est votre sens de l'humour qui sera bien perçu aujourd'hui. Profitez-en et jouez. Ans, les vierges et les poissons. 4. Ah, les capricornes et les taureaux, c'est bien pour une rentrée. Mais comme ça. Toi, dit Foul. Oui, en effet, je suis capricorne et monté comme un taureau. C'est ça, exactement. Vous êtes très déterminé aujourd'hui, vous obtiendrez en gros tout ce que vous désirez. Et 5 sur 5, les meilleurs, les gémeaux et les verseaux. Et voilà. Et ouais, du charme, de la répartie, du mystère, la médaille d'or de l'amour, c'est pour vous en ce lundi, profitez bien. Gémeaux et verseaux. Et puis dans un instant sur Skyrock, il est 6h49, juste après Major Lazer et Justin Bieber, on va retrouver la compile du jour et c'est la compile des galériens de l'été. Il y en a qui sont partis en vacances ou pas d'ailleurs, mais qui ont des galères cet été. La compile arrive pour la vous. galère bah, et, ça arrive. Et dans 10 minutes encore 1500 € à gagner si vous répondez Skyrock. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, la journée commence bien avec Major Lazer tout de suite. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. sur Skyrock. On écoutait Major Lazer et Justin Bieber pour se réveiller à 6h52. C'est bien ça. Redonne-moi mes disques, Romano, parce que j'ai envie d'en choisir un là pour la suite. Là. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre dans un instant? Allez, on se met Mike Posner parce que ça m'a ambiancé tout l'été. Je sais que j'en sais comme un fou là-dessus. Hein. Ah, mais on imagine. D'ailleurs, je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure à la radio. Petit ça pas passe super, vous allez voir. Petit pas de danse. Bon réveil à vous. Bonne journée. Les 6h52. On salue Monsieur Titanium. On salue Yaya. On salue Douar. On salue Khadija. On salue Lily. On salue Sandrine. Enfin, gros bisous à Sandrine. Ça me rappelle une de tes ex, Romano, magnifique. On salue Sylvie, oh, bah tranquille. Johan, Théo, c'est peut-être elle qui nous écoute d'ailleurs. Ouais, bah c'est certain. Théo de Pau, Vincenzo et tous les autres, vous vous réveillez avec Sky, ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Le morning, c'est parti depuis 6h. Et tous les matins, on retrouve la compile du jour. C'est l'heure de la compile, tout de suite, les galères de l'été. Eh oui. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors, ça s'est passé cet été en France. Ouais. La compile des galères, des galériens de l'été. On va les retrouver, tout de suite. C'est les galériens dans les transports ou dans les transports en général. Hein. Ça peut être en voiture, ça peut être en vélo, ça peut être même à pied parce qu'on se transporte avec des jambes. Aussi, ouais, ouais. Et ouais, la compile des galériens de l'été, les voici tout de suite. Alors, j'en ai un, numéro 3 de la compile de cet été. C'est un gars qui est parti à Cavalaire dans le Var. Oui, bon, c'est la musique de Cavalaire. La musique de Cavalaire, très bien. Très bien, moi je me serais cru à Tahiti. À Cavalaire, ouais. Cet été, tout le monde écoutait ça. Ah ouais. C'est un mec qui s'est garé à côté du port. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'après vous? Bah, il est tombé dedans. Il est tombé dans l'eau. Ouais, c'est tout con, mais il a oublié de mettre son frein à main. Ah, la voiture. Dommage, ouais. Et il a oublié de mettre une vitesse aussi. Ah oui, oui. Ah, pour bloquer, ouais. Et oui, pour bloquer, oui. Et malheureusement, il avait une belle Audi A3. Ouais, bah, l'Audi A3. Bah, maintenant, c'est un sous-marin. Elle a pas flotté. Voilà, l'Audi A3, plouf! Elle est tombée dans le port. Oh putain. Voilà, si ça vous arrive, ça vous donne envie de rentrer, ça vous donne envie de revenir. Vous voyez, le pauvre monsieur avec son Audi A3. Il est venu, lui, sans voiture, lui. Ah, ouais, il a peut-être envie de faire du bateau. Ouais, c'est ça. C'est tellement beau de faire du bateau. Bah, d'ailleurs, en tombant, il en a éclaté deux. Donc, t'as pas eu de galère en bateau parce que Romano a gratté un bateau cet été. Là. Non, mais c'est pas moi qui le conduisais, donc tout s'est très bien passé. C'était pas son bateau. Ah, non si, plus. Si, on a perdu l'ancre. Ah, bah, tu vois. Non. La compile des gars, je te mets troisième ex aequo de la compile, Romano, t'as perdu l'ancre. Comment t'as fait pour perdre l'ancre? Parce que le mec, il me dit, lève l'ancre. Oui. Moi, je tire, tu sais, sur l'ancre. Oui. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai dû tirer trop fort. T'es trop musclé. Ouais. Et l'ancre et la chaîne, ils sont restés au fond de la flotte. On a été obligé on a demandé à un mec de nous dépanner. Un gros con, le mec, il fait, vous pouvez faire moins de bruit, j'arrive pas à me relaxer. Sympa les gens pendant les vacances. Carriole qui était à bout de nerfs sur le bateau. Donc du coup, on a été voir un papy qui est descendu en apnée, mais à 5 mètres avec des palmes. Bon, lui n'est pas remonté, mais il a remonté l'ancre. Il n'est pas remonté, c'est lui-même qui sert d'ancre. Bon, voilà, les galères de l'été. Voilà, numéro 3 de notre gars de Cavalaire-sur-Mer, s'il nous écoute avec son Audi A3. Enfin, sans son Audi A3 maintenant. Hein. Oui, sans son Audi A3. Ouais. Alors, numéro 2. Alors, numéro 2, c'est un mec dans les Landes. Oui. Alors, lui, il a failli mourir à cause d'un trou creusé dans le sable. Non, mais c'est des transports, Romano. Le numéro 2, c'est un Suisse. Ah, le Suisse. Oui, le Suisse. Ah, oui, là, c'est un problème de toilette. Ah, donc il était dans un train en Suisse. Ouais, dans un train Yverdon-Lausanne. Mmh. Et là, en fait, il y a eu un problème, il y a eu une explosion des toilettes. Oui. L'eau a inondé tous les wagons, donc inondé avec de l'eau, de l'urine et tout le reste. Hein. Oh, magnifique. Et donc, le mécanicien est arrivé, bon, il a pu que constater les dégâts. Et en fait, ils ont pas arrêté le train, il a continué jusqu'à Lausanne, il fallait quand même qu'il arrive au terminus. T'avais tout le train avec les gens qui avaient les pieds dans la merde, c'était un truc abominable. Magnifique. Vive les vacances, voyage. Vive la SNCF Suisse. Ah ouais. C'est la SNCS, je ne sais pas, mais en tout cas, vive les transports suisses, c'est pas mal. Et le numéro 1, alors voici le numéro 1, c'est à Madrid, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, à Madrid, ça s'est passé, il y a un mec qui était en retard, il voulait prendre l'avion. Mm-hmm. Il est à l'aéroport, il dit, putain, je vais louper mon avion, c'est un Bolivien. Je vais louper mon avion, oh la lâche. Qu'est-ce qu'il fait le gars parce qu'il va louper son avion? Hein? Bah, il s'accroche à l'avion. Ouais, presque. Le mec va sur la piste, court après l'avion qui est en train de décoller, il essaie de s'accrocher à l'avion. Malheureusement, bon, ça n'a pas marché. Ouais. Voilà. Le mec, il a essayé de s'accrocher quoi aux roues? Il a pas réussi à rattraper l'avion parce que c'est un avion, ça va vite. Ça va très vite, ouais, ça va très vite. En retard, donc le touriste bolivien sur le tarmac court pour rattraper l'avion. Bon, eh bien, il risque maintenant des poursuites judiciaires. Il a poursuivi l'avion. C'est des poursuites judiciaires qui vont lui, Oui, en même temps, si tu vois un mec courir sur la piste, c'est pas rassurant, quoi. Ça va lui gâcher sa rentrée. Ouais, c'est pas de bol, ouais. Voilà. Vive les vacances. Quand on entend ça, on est content d'être rentré. Ouais, c'est vrai, ça va mieux. Ben, nous, on est content d'être rentré. On a 1500 euros à vous offrir. C'est dans un instant sur Skyrock, dans 30 secondes. Juste après un petit point sur la roulette qu'on va vous faire tourner avant 9h et toute la journée avec toute l'équipe de Skyrock. Eh bien, petit point sur la roulette et Mike Posner. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mike Posner et I Took a Pill in Ibiza sur Sky, 6h57. Maître Gims fait sa rentrée sur Skyrock. Gagne tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS. Et Mike Posner a retrouvé tout de suite vos 1 500 € dans 3 minutes et les infos aussi. Pourquoi la tartine tombe toujours du côté beurre? Parce que le morning de Diffoul, 6h-9h sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. C'est déjà fini, dis donc. I Took a Pill in Ibiza sur Skyrock à 7h du matin. Excusez-moi, je prenais un café. Ah bah, oui, on se réveille, nous aussi. On reprend nos bonnes habitudes. Content de vous retrouver, c'est le morning. Et oui, vous aussi, vous êtes content de nous retrouver. Merci pour les messages. D'ailleurs, content de nous retrouver, c'est le message de Thibaut, là, qui nous écrit du 93. Salut à toi, Thibaut. Message de Lara de Lille qui nous dit exactement la même chose. Content de vous retrouver. Vous voyez que la rentrée, ça a du bon quand même. Hein. Bonjour à la Bourguignonne qui vient d'arriver. On n'était pas loin de chez toi tout à l'heure. On était à Dole, là, il y a quoi? Il y a une petite demi-heure. Eh bien, on va aller quelque part en France dans un instant pour vous offrir 1 500 €. Ouais. Pendant cette première semaine du morning, pour cette rentrée, on vous offre 1 500 € toutes les demi-heures. On a commencé tout à l'heure avec une auditrice de France Inter à 6h30, il y a une demi-heure. Elle était là avec nous, l'auditrice de France Inter. Bon, elle n'a pas gagné. Hein. J'espère que ça va tomber sur vous. Dans un instant, juste après les infos, 1 500 € à gagner. Et puis les nouveaux rendez-vous, on en reparle dans un instant. Les nouveaux rendez-vous du New Morning tous les matins sur Skyrock, 7h01. Un rendez-vous qu'on ne loupe pas, les infos, pour être au courant de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer peut-être. C'est Rémi. Oh, j'ai pas de boule de cristal quand même. Si, tu as la météo déjà, c'est pas c'est mal. Vrai. La météo pour aujourd'hui, fini la canicule. Oui, ça y est, fini la canicule, les températures en baisse ce matin de 15 à 20 degrés, entre 19 et 24 dans l'après-midi, jusqu'à 32 autour de la Méditerranée, c'est quand même pas mal. Et puis côté ciel, c'est couvert dans l'ensemble aujourd'hui, quelques averses attendues des Pyrénées à la frontière belge, en passant par le centre et l'Île-de-France. Le soleil va revenir dans l'après-midi sur la Bretagne, la Normandie et la Gironde. La pollution, c'est moyen ce matin. Les indices compris entre 3 et 5, c'est quand même bien mieux que, qu'hier ou la semaine dernière. 5 à Dunkerque, Poitiers, Angoulême, Marseille et Bastia. Et l'actu, toute l'actu et tout le sport sur Skyrock. Et la polémique sur le burkini qui s'invite dans le débat en pleine rentrée politique. Chacun y va de sa petite phrase ou de son petit mot. Bernard Cazeneuve donne le sentiment du gouvernement ce matin dans la presse. Le ministre de l'Intérieur est contre l'interdiction. Il estime que ce serait inefficace, que cela pourrait provoquer d'irrévocables tensions. Une rencontre avec des parlementaires et des associations est prévue aujourd'hui place Beauvau. Objectif, l'élaboration d'une fondation. Fédération Islam de France à destination du culte, mais aussi à des fins culturelles. L'attention, il y en a eu ce week-end à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Un restaurateur a renvoyé deux clientes sous prétexte qu'elles étaient voilées. La scène a été filmée et a fait le tour des réseaux sociaux. Le directeur de l'établissement a notamment lancé que tous les musulmans étaient des terroristes. Il s'est excusé hier pour ses propos. Une enquête pour discrimination à caractère racial a été ouverte par le parquet de Bobigny. Un jeune homme de 20 ans poignardé en pleine rue, ça s'est passé ce week-end à Paris, dans le quartier de Montparnasse. Les secours rapidement arrivés sur place n'ont rien pu faire. Une enquête a été ouverte, une rixe aurait éclaté, un homme a été interpellé, placé en garde à vue. Une prouesse réalisée par 6 volontaires, dont un Français. Ils sont restés isolés pendant un an dans un dôme de 93 mètres carrés installé sur un volcan à Hawaï. Le but de la mission était de simuler les prochaines missions de la NASA sur Mars. Les membres de l'équipage n'avaient le droit qu'à 4 sorties par semaine en scaphandre. Tout était fait pour reproduire les conditions de la vie sur Mars, même l'envoi des emails qui prenait 20 minutes. Ah ouais, c'est long. Ouais, c'est long. Le poisson, le sport maintenant sur Sky avec la défaite du PSG hier soir. Oui, fin de la 3e journée de Ligue 1. Surprise sur la pelouse de Monaco. Personne ne s'y attendait. Le PSG s'est pris une gifle par les hommes du Rocher 3-1. Les Monégasques sont désormais 2e du classement derrière Guingamp et devant Nice. Saint-Etienne et Toulouse se neutralisent 0-0. Bordeaux a dominé le derby de l'Atlantique contre Nantes 1-0. Et puis le tour d'Europe des clubs avec la 3e journée de la Première Ligue. Manchester City a dominé West Ham 3-1. Au classement, les Mancuniens sont en tête devant Chelsea et United. En Espagne, on jouait pour le compte de la 2e journée. Barcelone s'impose 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Alors que Séville et Villarreal terminent sur un nul 0-0. Las Palmas, le Barça et le Real sont aux 3 premières places du classement. Reprise du championnat allemand et un match nul, 2 buts partout entre Hoffenheim et Leipzig. Enfin en Italie, match nul également, 1 but partout entre l'Inter Milan et Palerme. Chievo-Vérone s'incline 1-0 contre la Fiorentina. Merci Rémi pour les infos. Le point sur l'actu, c'est à 7h30 tout à l'heure. Il est 7h04 sur Sky. Le morning de Difool en mode Pokémon. C'est quoi ce Pokémon? Difool est Tarinor. Tarinor. Romano est Escrococo. Escrococo. Cédric est Ronflex. De Difool version Pokémon, c'est maintenant sur Skyrock. T'as pas ton Pokémon, Cariole? Non, parce qu'ils sont vilaines, les Pokémonettes. Ah, on n'a pas trouvé une Pokémonette jolie, elles sont vilaines, c'est pour ça. C'est quoi Tarinor? C'est quoi Tarinor, bah, il a un gros nez, un tarin. Et alors, quel est le rapport avec moi? Bah, c'est pas le mec qui a le plus petit nez de l'équipe, quoi. C'est vrai. Ah bah, au niveau du nez, Cariole a un plus petit nez que moi, oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les Pokémon sont de retour avec le réveil de Star. Tous les matins, 7h10. C'est nouveau, c'est le réveil de Star que vous allez retrouver avec nous. Des stars qui réveillent les familles. Ouais, c'est ça. Et bien aujourd'hui, c'est Sacha des Pokémon. Eh ouais. Chasseur de Pokémon, Sacha. Eh ouais, carrément. Et ouais, qui va réveiller les familles de France. C'est dans un instant sur Skyrock, mais avant ça, plein de choses pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous annoncer? Ah oui, à 7h20 tout à l'heure, votre iPhone 6S a gagné. On va jouer à Info ou Mytho. Mm-hmm. Le grand retour d'Info Mytho après 2 mois de pause pendant cet été. Info Mytho est de retour avec votre iPhone 6S à gagner. On aura à 7h40 vos conseils pas chers. Les conseils pas chers, oui, c'est tous les matins à 40 de chaque heure. Ouais. Plein d'argent à gagner pour toi, Romano. Et maintenant, plein d'argent à gagner pour vous. Et pendant toute cette semaine, toutes les demi-heures, on vous offre 1 500 €. Ouais. 1 500 € à gagner. C'est simple, on vous appelle, vous répondez Skyrock. Et c'est dans la poche, tirage au sort ou dans l'annuaire ou au 7-20-20. Vous vous inscrivez. Le 7-20-20, vous envoyez 1 500. Vous laissez tout ce qu'on vous demande, votre numéro de téléphone, on vous appelle et vous gagnez. Inscrivez-vous, hein, on peut vous appeler dans la matinée, à n'importe quel moment. Ouais. 1 500 € à gagner, c'est parti. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Voilà, vous avez la règle du jeu. Et Romano, tu as l'enveloppe, enfin ouais, les enveloppes. Validé par l'huissier. Oui, c'est ça. Là, j'en ai pris une qui est bien validée par l'huissier. Je vérifie. Officielle. C'est l'enveloppe officielle. Je méfie parce que j'ai peur qu'il mette son numéro dedans. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oui. Nous allons dans le 59. C'est dans le Nord. Bien joué. Bien joué. Oui. À Lille. À Lille, les Lillois, attention, on arrive chez vous. Chez la famille Descamps, et c'est Fabien Descamps qu'on appelle tout de suite. Fabien Descamps, on va lui demander quelle est sa radio préférée, il faut qu'il réponde Skyrock. Et c'est 1 500 € dans la poche de Fabien. Attention, attention. Fabien. Ouais, Difool. C'est moi. Ouais, Difool. Ouais, Fabien. Bien Fabien, je vois que tu es à l'écoute de Skyrock ce matin à 7h06. Ouais, la patate, en plus je suis en congé, je me suis levé exprès pour ça. Ah, ça c'est bien ça, c'est gentil Fabien. Eh bien merci Fabien, je te souhaite une bonne... Merci de ta fidélité. En plus c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah putain c'est vrai, 29 août t'es né. Putain ouais. Un beau cadeau d'anniversaire. Alors je vais quand même te poser la question officielle parce qu'il faut faire les choses bien. Ouais, quelle est ta radio préférée, Fabien?

don't stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, ça passe. And I said, nah, boule. No matter where I go. Ken Jones sur Skyrock, un son qui nous a ambiancé tout l'été. Ken Jones avec Don't Mind à 7h12. Ah, gros souvenir dans un instant. Sean Paul et Beyoncé qu'on va retrouver avec Baby Boy. Gros Baby son carré, ouais. On écoutera DJ Snake, le nouveau DJ Snake aussi tout à l'heure. Du Rihanna, elle était en concert avec Skyrock cet été. Les gros concerts de Rihanna, plus grosse tournée urbaine avec la première radio urbaine mondiale, Skyrock. Ouais. Merci Riri. Thank you Riri. Vous avez pas vu la photo de Rihanna avec son mini maillot. Ah non, j'ai pas vu. Rihanna dans une salle de sport, elle fait du sport. En maillot de bain. Ouais, elle fait du sport en maillot de bain, ouais. Très bien. Mais le maillot est vraiment mini, on dirait un timbre-poste. Je vais vous la trouver, je vous la mets sur les réseaux sociaux dans la matinée. Ah, je veux bien voir. Hashtag morning de Diffoul, oui, parce qu'on a décidé de vous réveiller, de vous faire voir des choses belles. La photo des membres de l'équipe également sur tous les réseaux sociaux, ne la loupez pas. Ah ouais, attention, ça aussi c'est beau. Ils sont magnifiques tous. Ah ouais. Mais on en reparle dans un instant. Tiens, je voulais vous poser une petite question, on va faire un petit sondage express. Tout le monde a parlé de Pokémon Go cet été. Il y en a plein qui ont joué à Pokémon Go. Alors, est-ce que vous trouvez ça complètement débile ou alors est-ce que vous trouvez ça super cool? Qu'est-ce que vous en pensez? Pokémon Go, c'est tout débile, les gens qui jouent à Pokémon Go, ou alors c'est super cool? Votre avis sur le 41-759. Vous envoyez vos messages tout au long de la matinée. Et là, pendant 5 minutes, on va faire un petit sondage express. Vous en pensez quoi? Cariol, t'en penses quoi des gens qui jouent à Pokémon Go? C'est rigolo. C'est rigolo, hein? Oui, c'est sympa. Oui, moi aussi. Après tout. Il y a des mecs, il y a eu 15 morts quand même, hein. Ah bah c'est moins rigolo là. C'est moins drôle là. Bah des mecs qui sont dans la rue, qui voient pas qu'il y a des voitures qui passent. Ah, oh, le Pokémon gaffe, est sur l'autoroute. Bah c'est marqué sur l'autoroute, on conduit, on ne joue pas. Oui, c'est ça, ouais. Aussi, ouais. Ça, j'ai vu ça, ouais. Ouais parce qu'il y a des gens qui sont morts, enfin pas en France mais dans le monde entier. Ah ouais. On veut faire attention effectivement. Alors Pokémon Go, c'est complètement con. Premier message qui vient d'arriver, c'est le message de Monkey. C'est génial, j'y ai passé tout l'été. Ah ouais, bah voilà, ça fait faire du sport, ça c'est le message de Tibbs, salut à toi Tibbs. C'est de la merde pour Sully, une débilité pour Why. Pokémon Go c'est pourri pour Slater, complètement débile comme jeu pour Hello Catch. J'ai les messages qui arrivent, hein. Julie du 92, 24 ans, qui nous fait c'est tout débile et c'est trop dangereux, les gens font n'importe quoi. Il y a eu des émeutes à Pokémon Go, hein. Je trouve ça débile pour Nailou, Lily, débile. Ah ouais, quand même. Je crois que débile est en tête pour l'instant. Ah ouais. Ouais. Cédric, tu y as joué? Non, moi j'ai joué, ouais. Bah, quand t'as rien à faire, t'as du temps un petit peu à perdre, c'est sympa. Voilà. C'est marrant. Voilà, non, mais c'est bien, ça te fait marcher. Ah bah ouais, ça fait marcher. Et là, j'ai lu le message, ça fait faire du sport. Hein. Attrape-les, si au milieu de la route, Cédric. J'adore. Il y a un Pokémon sur l'autoroute, va voir. Non, mais il y a un mec dans une mairie qui a interdit les Pokémon dans sa ville. Oui, j'ai vu, il a fait un arrêté municipal. Oui, il a écrit à Pokémon, bon, qui lui a pas répondu. Oh, il s'en fout. Ah, en disant, ouais, il faut arrêter de mettre des Pokémon dans notre commune. Parce que c'est vrai qu'il montrait à la télé, il y avait un Pokémon, il était en plein milieu de la route. Ah bah oui. Un peu con ça. Et il disait, il faut faire attention avec les enfants. Attention, vous êtes prêts pour les Pokémon? Ben on est prêts. Ah ouais. C'est l'heure du réveil de Star. Ça y est, on est prêts à partir. Eh ouais, go, c'est Sacha qui va réveiller les familles. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Et ouais, les stars et les stars de l'été, les Pokémon et Sacha des Pokémon. Voici tout de suite Sacha qui réveille la famille de Serge. Waouh. Le réveil de stars, ça sera tous les matins aux alentours de 7h10, 7h15. Il est 7h15 et c'est parti, Sacha et Serge. Pas facile à dire, j'y suis arrivé. Allô? Allô? Ça va? Oui? Bah, c'est de la part de qui? Moi, c'est Sacha. Pardon? Je m'appelle Sacha. Et c'est à quel sujet? Je vais devenir maître Pokémon. Eh ouais. Oui, mais vous me parlez de Pokémon? Oui. Et qu'est-ce que je vais foutre avec des Pokémon? Le professeur Chen du Bourg Palette nous envoie chercher quelque chose. Oh, mais il n'y a pas de Pokémon dans la cour, hein, de la merde. Hein. Non, moi je ne marche pas avec ça. Hein. On dirait un centre Pokémon. Non, mais c'est pas grave, je veux pas le savoir, mais ça m'intéresse pas les Pokémon. Bah pourquoi? Moi j'ai toujours une cabine téléphonique et je m'occupe pas de la chasse aux Pokémon. Hein. Oh, c'est débile! Hein? Vous n'apprendrez donc jamais rien. Mais ça ne m'intéresse pas. Pas à la ligne. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Non, mais si, moi, attendez, vous arrêtez, je vous fais le portail à n'importe qui pour récupérer un Pokémon chez moi, vous déconnez ou quoi? Ouais. C'est déjà le bordel dans les bagnoles, merde. Alors lui, je sais tout de suite ce qu'il va répondre à mon sondage express. Lui, les Pokémon, ça le plaît pas trop. Hein, non, c'est pas son truc. Il mérite un deuxième coup de fil, car Serge parle quand même à Sacha des Pokémon, et ça, c'est quand même la classe. Serge, il utilise une cabine téléphonique, alors les lois du Pokémon. Oui, alors les lois des Pokémon. Je vous ai dit que je n'ouvrirai pas le portail. Nous allons utiliser nos Pokémon pour y aller. Mais moi, les achats aux Pokémon, ça ne m'intéresse pas. Ah, tu vas regretter ce que tu viens de dire. Moi, je pense que c'est un jeu d'imbécile. Alors, mon avis ne vous intéresse pas. Bah alors, allez vous faire cuire un œuf, hein. Si, ça m'intéresse. Allez vous faire cuire un œuf. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu celle-ci. Je la note d'ailleurs, parce que c'est une punchline qui déchire. Allez vous faire cuire un œuf. Je note punchline numéro 1. Allez vous faire cuire un œuf. Si quelqu'un vous agresse un peu, hein, vous lui dites allez vous faire cuire un œuf. Et alors là, je pense que. Ah, bah ça y est. Tu mets KO, là. Terminé, quoi. Il est séché, Sacha. C'était Sacha et Serge. Ouais. Ce matin, la grande rencontre. Et dans je un instant. Pas la chasse au Pokémon. On vous donne les résultats de notre sondage express spécial Pokémon. Qu'est-ce que vous en pensez? Les résultats arrivent. Et puis dans un instant aussi, c'est l'heure d'Info Mytho. On met en jeu un iPhone 6S. Ouais. Comme tous les matins, vers 7h20, iPhone 6S a gagné. Il est 7h17 sur Sky. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Certified quality, quality. That the girl I'm needing to cry for every day without apology. Without apology. What them the right way, that's my policy. Yeah, right. Shun the ball alongside Beyonce. Uh-huh. Now you're the man, say this. I'm dirty, yeah. Dirty, yeah. They're ready for really get to life. Telling me all about the things where you were fantasize. I know you dig the way me step, the way me make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come take me in at the night, I make her get it amplified. But I quit for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For giving it the toughest, I guess I've ever ride. Girl. Baby boy, you stay on my mind. Town in a your drop top girl, in a stop shop girl. If you more the dirty one, rock that world. It's a top top girl. Me and you together is a rock that girl. Drive from the town in a your drop top girl, in a stop shop girl. If you more the dirty one, rock that world. Atta Anaya, Atta Atta Anaya, I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. So don't you fight it. So don't you fight it. Sur Skyrock, on écoutait Baby Boy, gros souvenir, grand classique de Sky. On écoutait Beyoncé et Sean Paul. Il est 7h21. Et bien, dans 10 minutes, on vous offrira 1500 euros toute cette semaine. 1500 euros à gagner toutes les demi-heures dans le morning. Et c'est déjà tombé une fois. Et ouais, c'est Fabien qui a gagné. En plus, il fêtait son anniversaire aujourd'hui, Fabien. Il a gagné à quoi? Il y a 20 minutes à Lille. Bravo, Fabien. On te fait une bise, Fabien. Félicitations. C'est un Lillois qui est le premier gagnant et de l'année. Et bon anniversaire, 26 ans. Et bon anniversaire, Fabien, ouais. Et le début des vacances. Pour lui. C'est fou ça. Ah ouais, hein. C'est une bonne matinée, ouais. Bon, une belle matinée pour Fabien, une belle matinée pour nous aussi, d'abord parce qu'on est de retour avec vous, content de vous retrouver. Et puis on est là avec des cadeaux à vous offrir. iPhone 6S à gagner maintenant sur Skyrock. Si vous voulez votre iPhone 6S, c'est facile. Au 41-759, on va jouer à Info ou Mytho tout de suite. Info ou Mytho. Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Ouais, dans un instant, vous aurez deux membres de l'équipe qui vont raconter une histoire. Mais d'abord, la question de sélection. Et c'est moi qui la pose, la question de sélection. Avec une petite histoire. Tiens, c'est marrant parce que vous me demandez si on avait changé dans l'équipe. Bon, hormis qu'on est tout bronzé. Ouais, c'est vrai. À part Cédric. Ouais, j'ai perdu mon bronzage, moi. Mais t'en as déjà eu un? Bah oui, j'étais bronzé, arrête. Mais t'étais bronzé rouge. Mais non, j'étais bronzé. Bronzé. Mais non, t'étais rosé comme un goré. Mais non, mais c'est vrai, tu bronzes rosé. Alors pour vous dire, l'équipe n'a pas changé. Romano, tu es toujours chauve. Ouais, mais bien bronzé. Hein. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. Maintenant, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est une dame qui a voulu utiliser du shampoing. Malheureusement, le shampoing était rangé à côté de la crème dépilatoire. Ah merde. Eh ouais. Une crème dépilatoire a priori très efficace puisque la dame, après s'être fait donc un shampoing avec de la crème dépilatoire, s'est retrouvée complètement chauve. Bah oui. Est-ce que c'est ce que t'as fait, Romano? Non, c'est pas ce que. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on peut devenir chauve à cause de la crème dépilatoire? Est-ce que c'est arrivé à une américaine cet été? Votre réponse tout de suite au 41-759. Vous envoyez info si vous pensez que c'est vrai, vous envoyez mytho si vous pensez que c'est faux. Et le premier ou la première se retrouve en direct avec nous pour jouer avec deux membres de l'équipe qui ont eux aussi des infos à vous donner ce matin. Attention au mytho, hein. Info ou mytho, bonne chance à vous. Et dans un instant sur Sky, c'est le son de DJ Snake et Justin Bieber qu'on trouve gros carton, il est 7h23. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow. Au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui. Dont YouTube, oui. Et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'es. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. 21 Pilots. 21 Pilots. Twenty One Pilots, l'album. Skyrock, géant. La rentrée à prix bas, c'est géant. 10 sur 10 sur les économies. Et mention très bien sur les prix bas chez Géant. Jusqu'à mercredi, recevez un bon d'achat de 5€ à partir de 50€ d'achat dans tout le magasin. Oui, 5€ en bon d'achat à partir de 50€ d'achat, c'est géant. Les prix bas, c'est géant. Bon d'achat valable dans tous les magasins du 1er au 11 septembre. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12€ par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée au nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Leclerc. Dites Philippe, vous utilisez de la lessive liquide Ariel, vous? Ah bah pour l'éclat des couleurs comme du blanc, la lessive liquide Ariel, c'est juste le top de la lessive. En plus, en ce moment, chez Leclerc, deux flacons achetés, un gratuit. Ah ouais. C'est parce que chez Leclerc, on vous en offre toujours plus que du 23 août au 3 septembre. Pour l'achat de deux flacons de lessive liquide Ariel de 34 lavages, variété au choix, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Gisèle, deux achetés, un gratuit chez Leclerc, c'est le moment de l'essayer. Oh merci, c'est adorable. Ah oui, mais c'est le mien, ça. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois. Détails sur SFR.fr. Bonne année scolaire avec Carrefour. Alors, il faut 5 stylos billes noires pour Zoé, 2 rouges et 4 verts pour Max et pour Claire que des bleus. Mais t'embête pas maman, chez Carrefour jusqu'au 5 septembre, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 27 stylos billes cristal. Waouh ! Je te sauve là. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'au 5 septembre, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 27 stylos billes cristal. Pointe moyenne, coloris assortis, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Attention, attention, info ou mytho, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et c'est Amélie qu'on a avec nous en direct. Check, check. Dès 6h. C'est le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio, ça. C'est le morning de Default sur Skyrock. Alors, c'est des conneries ou pas d'ailleurs, ce que je vous ai raconté il y a un instant. Bonjour Amélie. Salut, l'équipe, ça va? Salut Amélie, ça va? Salut. Content de rentrer, tout bronzé, en pleine forme, toi aussi, t'es parti en vacances cet été, t'as fait ouais, quoi? Je suis partie 3 semaines à Montpellier et c'était la patate. C'était bien Montpellier. Ouais. T'es allé ouais, baigner au Cap d'Agde, t'es allé voir les nudistes. Ah non, pas au Cap d'Agde, je suis allé à la Grande Motte. Oh, la Grande Motte! Tu aurais dû faire un petit tour au Cap d'Agde, il y a des phénomènes là-bas. Ah ouais. Oui, mais justement, ça fait peur. Alors, ça fait peur aussi l'histoire que je vous ai racontée il y a un instant, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous ai demandé si une dame aux États-Unis avait confondu la crème dépilatoire avec du shampoing et s'était retrouvée pratiquement complètement chauve, comme Romanos, pour dire la catastrophe capillaire au niveau de ses cheveux. Ah ouais, le pauvre. Ne faites pas l'erreur ce matin. Même. Vrai ou faux? Info ou mytho, Amélie? Ben moi j'ai dit un faux. Eh ben tu es qualifié, tu vas pouvoir jouer avec deux membres de l'équipe. Les journalistes de ce morning sont Cariol d'un côté et Romano de l'autre. Ils ont tous les deux un truc à te raconter. Autrement dit les meilleurs. Ouais, on va tenter de t'offrir l'iPhone 6S. Il est pas encore gagné, mais je sens que tu vas tout déchirer ce matin, ah, toi, Amélie. Ah, je porte pas la poisse. Attention, c'est parti. Info faux ou mytho. Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. J'espère que je vais te porter chance ce matin. Romano, quelle est l'info que tu veux nous donner ce matin? Eh bien moi c'est une info allemande. Oui. Herbert. Guten Tag. C'est Herbert Fendt. Bonjour, je suis Herbert. Herbert Fendt. Alors cet été, il se baignait dans un lac en Allemagne. Et là, à un moment donné, il a ressenti une forte douleur aux testicules. Oh, le pauvre Herbert, j'ai mal aux couilles. Alors au début, il a cru que c'était des algues. Et en regardant au bord de l'eau, il a remarqué qu'il y avait un pêcheur qui venait de lancer son hameçon. Et en fait, l'hameçon s'est accroché aux testicules d'Herbert. Oh non. Quelle belle prise. Donc, il a eu le temps de dire au pêcheur, de dire « Stop, stop, stop mes couilles, vous êtes accroché à mes parties génitales. » Bon, le mec a arrêté de mouliner pour faire remonter l'hameçon. Oui. Herbert est sorti de l'eau, il a essayé d'enlever l'hameçon lui-même, il n'a pas réussi, il a dû se rendre à l'hôpital pour se faire enlever l'hameçon. Mais tout va bien aujourd'hui. T'imagines, l'autre il arrive à l'hosto quand même aux urgences. Excusez-moi, j'ai un hameçon aux couilles. J'ai un hameçon. Ah, info ou mytho? Alors attention, écoute bien Cariol maintenant avant de faire ton choix, Amélie. Alors moi c'est un couple dans un supermarché qui a été renvoyé parce qu'il faisait l'amour en fait, tout simplement, sur les rayons surgelés. Ah, sur les congélateurs. Oui, parce qu'elle avait chaud au cul. Ah bah donc ouais, forcément, il fallait la refroidir un peu, la demoiselle. Et ouais, c'est ce qu'on appelle avoir le feu au cul. C'est ça, un faux mytho. Mm-hmm. Moi, j'ai une petite idée, Amélie. Alors. Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu. Alors, qui dit vrai? Herbert l'hameçon ou l'hameçon aux couilles, hein. Ou alors Cariol de gars qui. Gars un fille, couple. Un couple qui font l'amour au supermarché qui se font renvoyer. Bah, je vais dire Cariol info et Romano mytho. Tu dis Cariol info et Romano. Moi j'aurais dit l'inverse parce que alors, l'histoire des couilles, pour l'inventer, faut être ouais, fort. Ouais, mais c'est tordu quand même. Alors donc info, Cariol, mytho, Romano. Je me retourne vers toi, Romano, mais tu es tout petit. Oui, ben ça, j'ai pas grandi cet été. Hein. Alors Amélie, c'est bon, c'est bah, c'est, malheureusement, ce n'est pas bon. Ah, j'avais raison. Eh oui. Oh, Amélie. L'histoire d'Herbert et ses couilles et son hameçon, c'est bien et bien vrai. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qui s'est passé dans un supermarché aux États-Unis? Bah, c'est un mec qui a posé son pénis sur un scanner pour se scanner. Oh, bah, attends. Tout simplement. Et alors, ça a fonctionné. Oui, tout oui, simplement. Oui, bien. Bah, ah bah très bien. Tout simplement, c'est tout simple. C'est tout simple. Bon, Amélie, c'est pas gagné sur ce coup, tu peux revenir jouer quand tu veux. Ouais. Et puis on va t'envoyer déjà le t-shirt Skyrock. Et tu vas pas quitter, on te fait de gros bisous, Amélie. Ok, gros bisous, l'équipe. Bisous merci à toi. Beaucoup. Et bonne rentrée, bisous. Amélie. Ouais, ça marche, à vous aussi. Et super, Amélie, bonne rentrée. On te fait, merci. On fait plein de bisous. On se prépare bisous, à écouter bisous. DJ Snake, bisous, bisous. Et Justin Bieber. Let me love you. Let me love you, DJ Snake, Justin Bieber, c'est sur Sky. Vos conseils pas chers, ils arrivent. Ah oui, nouvel horaire pour les conseils pas chers. Vous les retrouvez à 6h40, 7h40 et 8h40. Des nouveaux conseils pas chers qui arrivent. Et oui, bien sûr, vos 1500 euros. 1500 euros à gagner. C'est toutes les demi-heures pendant toute la semaine sur Skyrock. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs au 720. Vous auriez 1500. Oui, c'est 1500. Hein. 1500 au 7-20-20. Au 7-20-20. Et on vous appellera peut-être dans un instant. Après les infos, le point sur l'actu va démarrer par la météo à 7h32. Ouais, et un ciel couvert dans l'ensemble aujourd'hui. On a quelques averses attendues des Pyrénées à la frontière belge, en passant par le centre et l'île de France. Le soleil va revenir dans l'après-midi en Bretagne, en Normandie et sur la Gironde. Les températures en baisse ce matin, comprises entre 15 et 20 degrés, entre 19 et 24 dans l'après-midi et jusqu'à 32 autour de la Grande Bleue. La pollution et ses moyens ce matin, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Dunkerque, Poitiers, Angoulême, Marseille et Bastia. Et je vous donnerai le résultat du sondage Pokémon dans un instant. Vous avez été plein à voter. Les résultats viennent d'arriver. Je les ai. Je vous ai demandé si vous trouviez ça cool ou si vous trouviez ça complètement débile. Résultat qui arrive et un conseil pas cher Pokémon aussi dans un instant. Mais tout de suite, l'actu et le sport sur Sky. Et Paris qui tombe de haut, la date est peut-être à retenir. Paris a perdu hier sur la pelouse de Monaco 3-1, fin de la troisième journée de Ligue 1. Difficile à expliquer, peut-être l'absence de Zlatan ou encore le coach Unai Emery qui prend ses repères. Quoi qu'il en soit, Paris n'attend plus de grosses pointures d'ici la fin du mercato. Les Monégasques, elles sont désormais deuxièmes du classement derrière Guingamp et devant Nice. Saint-Etienne et Toulouse se neutralisent 0-0. Bordeaux a dominé le derby de l'Atlantique contre Nantes 1-0. Et puis le reste du sport, bien sûr, à la fin des infos. La rentrée aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous. Les vacances sont finies ou quasiment finies. Les élèves sont attendus jeudi et vendredi. Selon les classes, ça risque de chauffer dès la semaine prochaine. Le syndicat SNES FSU est toujours vent debout contre la réforme du collège qui rentre en application cette année. Les enseignants sont invités à une résistance pédagogique et à faire grève dès le 8 septembre. C'est la première attaque et sûrement pas la dernière. François Fillon a fait un meeting hier dans la Sarthe et n'a pas manqué de lancer des piques à Nicolas Sarkozy, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. C'est la question lancée au public par le candidat à la primaire et ex-premier ministre. Il a rajouté que ça ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est soi-même pas irréprochable. La victoire revendiquée avant même la proclamation des résultats attendus demain. Les Gabonais étaient appelés aux urnes hier pour élire leur président. Le sortant Ali Bongo a dit avoir gagné, tout comme le leader de l'opposition Jean Ping. Le climat sur place est pesant. Les deux camps s'accusent mutuellement de fraude électorale. Et le reste du sport tout de suite après le résultat du PSG. Ouais, l'infirmerie qui se remplit pour les Bleus, c'est l'hécatombe. Hein. Fekir, Lacazette et Cabaye indisponibles. Fekir pourrait se faire opérer du genou et être éloigné des terrains pendant 3 semaines. Du coup, Dembélé, Gamero et Kondogbia les remplaceront pour les 2 prochains matchs des Bleus. Rendez-vous en amical jeudi contre l'Italie et le mardi 6 contre la Biélorussie dans le cadre des qualifs pour le Mondial 2018. Dès ce midi, hein, les joueurs seront du côté de Clairefontaine autour de Didier Deschamps. De la Formule 1, une victoire pour Nico Rosberg. Le pilote allemand de chez Mercedes a dominé les débats hier à Spa en Belgique. Son coéquipier Lewis Hamilton termine 3e après une folle remontée puisqu'il était parti de la dernière ligne. C'est Daniel Ricciardo et sa Red Bull qui se hissent sur la 2e marche du podium. Hamilton reste en tête au championnat du monde. Et puis rien à voir avec le sport, mais la cérémonie des MTV Video Awards qui s'est déroulée cette nuit à New York au célèbre Madison Square Garden. Il y avait un gros duel entre Beyoncé et Rihanna. On vous dit tout à 8h. Ah, faut attendre 8h. Ah ouais. Eh bien, on attendra 8h. Merci Rémi pour les infos. À tout à l'heure, il est 7h34 sur Skyrock. C'est la rentrée du morning et toute l'équipe est déjà opérationnelle. D-Fool, celui que tous les profs aimeraient avoir comme élève. Hello. Hello, si. See, I phone you for the announce. Ou pas. Romano, le meilleur à l'oral. Cédric, le premier en géographie. L'océan Méditerranée. Et Cariole, la plus forte en tout. Bonne rentrée avec le morning de D-Fool sur Skyrock. The Morning Show. Et merci de rentrer avec nous sur Skyrock. Il est 7h35. On se réveille ensemble. On est le lundi 29 août. On prépare les conseils pas chers. 7h40 pour les conseils pas chers toute cette nouvelle saison. Et je vais me servir de la folie Pokémon. La folie Pokémon. Tiens, d'ailleurs, on vous a demandé tout à l'heure pour la folie Pokémon. Est-ce que vous trouviez ça super cool ou est-ce que vous trouvez ça complètement débile? Et vous avez voté. Alors, d'après vous, quels sont les résultats du sondage? Complètement débile? Eh ouais, parce que t'as vu les messages, Cariole. Oui, oui. Ouais. Alors, vous êtes, donc, 61% parmi tous ceux qui ont voté tout à l'heure à trouver ça ça un peu con ou complètement con. Et 39% à avoir kiffé grave la folie Pokémon. Moi, je dis, il faut tout pour faire un monde. Mais oui. Bah oui. En plus, c'est gratuit, profitez-en. Pour l'instant, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ils vont mettre des pubs bientôt dedans. Ah, bah évidemment, oui. Alors des pubs, des. Non, mais des trucs payants dedans aussi. Hein. Et, tu peux aussi... Moi, j'ai déjà tout acheté. C'est bien. Non. J'ai claqué 500 euros. 500 euros. Bah, non, je crois que c'est 100 euros le plus cher. Bah, nous, on va en offrir 1500 des euros. C'est tombé il y a une demi-heure. On était chez Fabien à Lille. Il a gagné 1500 euros et profitez bien de cette nouvelle semaine. 1500 euros à gagner. C'est toutes les demi-heures sur Skyrock et c'est maintenant pour vous. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapet? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Skyrock. Tu gagnes. Eh ben 1500 euros, c'est ce qui s'est passé il y a une demi-heure chez Fabien. Alors les enveloppes sont entre les mains de Romano, je sais, je prends des risques. Hein. Alors attention, nouvelle enveloppe. Vas-y, j'en tire. Ai tiré une nouvelle. Tire. Tiré. T'as bien tiré il y a une demi-heure. Je l'ouvre. C'est vrai, hein. Et là, nous allons en banlieue parisienne dans le 95. Si vous nous écoutez dans le 95, attention, le téléphone va peut-être sonner. Et... Alors, Deuil-la-Barre exactement. Nous allons à Deuil-la-Barre. Chez Philippe Lauriec. Philippe Lauriec. C'est parti, ça sonne chez les Lauriec. Va-t-il gagner 1500 euros? Va-t-il faire comme Fabien il y a une demi-heure? Va-t-il faire comme le Lillois? C'est Fifi Lauriec. On en est à la troisième sonnerie, 5 sonneries maximum. Et Sniper originaire de Deuil-la-Barre. Oui. Bien, allô, merci pour cette info très intéressante, Rémi. Bonjour, monsieur Lauriec. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes Philippe, vous, hein? Oui, c'est bon, ça, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous, c'est la radio au téléphone, on est en direct à la radio, Philippe. Oui. Et on t'appelle, on va se tutoyer, t'as l'air sympa. Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin. Oui, mais écoutez, alors là, c'est vraiment pas le jour, j'ai ma maman qui vient de décéder, alors là, vraiment, je suis désolé. Désolé, Philippe. Voilà, merci, monsieur. Bah, désolé, Philippe. Au revoir, monsieur. Salut, Philippe. Eh bien, bonne journée, Philippe. Voilà, quand même. Ça, là. Ça jette un froid. Alors, ça forcément, mais en même temps, c'est le hasard. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce que parfois, on appelle des gens et nous disent oui, alors, excusez-moi, il y a un Boeing qui vient de tomber sur ma maison. Ça forcément. Arrêtez de me déranger le matin. Bon, désolé pour Philippe. On garde le chèque de 1500 euros. On fait une grosse bise à Fabien qui a gagné il y a une demi-heure et faites comme lui. On peut même le réécouter un petit bout, Fabien, si vous voulez. Allez. Ah, t'aimes bien quand ça gagne de l'argent. Ah, bah oui, quand ça tombe. Écoutez bien, c'était il y a une demi-heure sur Sky. Ouais, dis foule. C'est moi. Ouais, Fabien. Bien, Fabien, je vois que tu es à l'écoute de Skyrock ce matin. Ouais, la patate, en plus, je suis en congé, je me suis levé exprès pour ça. Ah, ça c'est bien, ça. C'est gentil, Fabien. Et vous êtes des malades. Quelle est ta radio préférée, Fabien? Skyrock. Eh bien, c'est gagné. Bien, bravo. C'est gagné, Fabien. Ouais, Fabien. Merci. Bravo, Fabien. Bravo. Tu viens de gagner 1500 euros comme ça en direct pour ton anniversaire. T'as quel âge, Fabien? 26 ans, hein, c'est de la boulette, franchement, vous assurez, les gars. Ouais, c'est lui qui assure. Bravo, Fabien, 1500 euros à gagner. Askeo, 720, vous auriez 1500. Et on vous appellera peut-être à 8h, dans moins d'une demi-heure. Là, c'est DJ Snake et Justin Bieber sur Sky. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah. 7h42, Let Me Love You, c'était le nouveau DJ Snake sur Skyrock dans le morning. Le morning qui est de retour avec toute l'équipe, content d'être avec vous ce matin. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir. Ah, pas difficile de se lever ce matin, t'as pas été trop difficile, Romano? Non, ça va, tranquille. Cédric est arrivé à 5h30. Ouais. Juste après moi. Ouais. C'est un truc de fou. Enfin, t'inquiète pas, déjà dès demain, il sera là à 6h30. quel mytho. On notera les retards cette année, là. Et on mettra des mauvais points, des heures de retenue et tout ça. Bon, on a un nouveau rendez-vous à 7h40 tous les matins, c'est le rendez-vous des conseils pas chers. 7h40, 6h40, 8h40, à 40 de chaque heure, Romano nous propose des idées pour gagner de l'argent. C'est vrai que la vie est chère, c'est vrai que il faut lutter contre la hausse des prix de la rentrée. Et tu es là pour nous indiquer comment faire. Alors là, tu veux jouer avec les Pokémon. Ouais, les Pokémon, la folie Pokémon. Oui, comment faire pour gagner de l'argent grâce aux Pokémon? Bah, des objets à l'effigie des Pokémon sont sortis. Oui. En particulier des sextoys. Ah ah, et tu vas tout nous expliquer. Romano est prêt à n'importe quoi pour gagner de l'argent. Il a même vendu des pilules à Usain Bolt. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Ouais, bah ça, fallait pas le dire. Ah, fallait pas le dire, pauvre Hussein. Alors, les conseils pas chers, les Pokémon en sextoy. Les Pokémon en sextoy, ouais. Mais qui achète ça? Bah, des gens, sans doute. C'est dégénéré. Ça s'appelle Pokémon. Pokémon. Ouais. Alors, ça veut dire gémir, en fait. Ah. Ah, Pokémon. Ça, entre ça. Comme tu parles bien anglais. Pokémon. Pokémon. Entre 50 et 70 euros. Bon, vu que c'est de l'importation, moi, je vais le faire à 100 directement. Oui, c'est vrai. Et il y a même un coffret collector qui est disponible à 184 euros. Magnifique. Avec le coffret collector. Avec différents personnages des Pokémon. Mais imaginez les filles, il y a votre mec qui vous fait un petit cadeau comme ça. Il vous offre, tiens, je t'offre les collectors. Ouais, je t'offre Pikachu version God. La classe. Eh bien, ce matin, direction les familles pour aller le refourguer tout ça. Ah, la folie Pokémon, on va voir ici toute la France est à la page. Est-ce que toute la France est à la page? Niveau Pokémon, quoi. Ouais. On a fait un sondage tout à l'heure. Hein. Je vais donner les résultats. 61% trouvent ça con, la folie Pokémon. Et 39% kiffent. Faut que tu tombes sur les 39%. Jean-Pierre. Allô, c'est Jean. Oui, c'est Jean-Pierre. Oui. Oui, comment tu vas? C'est qui? C'est Monsieur Lapin, ça l'appareil. Je t'appelle. Monsieur Lapin, j'ai un petit cadeau pour ta femme ce matin. Ma femme est décédée. Ah, merde. Ah, décidément, c'est pas de bol, c'est la série, quoi. Bon, dis voir, est-ce que toi, ça te plairait un petit sextoy à Godmiché en forme de Pokémon? C'est à la mode? Non, moi, je veux plus ça là-dedans, moi. Ah, tu mets plus ça là-dedans? Ah, ouais. T'as déjà essayé, ça fait mal. Ouais. Bon, bah, écoute, Jean-Pierre, tant pis. Hein. Mais, non, mais sinon, tu le poses, c'est pas sur ta table basse ou sur la table du salon. Ah, en déco. Ah, oui, ça pourrait faire chevet, hein. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ah, ça peut être joli, oui. Bon, ce que je fais, c'est que je passe vers 8h et puis c'est pas cher, c'est 100 euros. C'est le prix de lancement, hein. Bah, tu veux les 100 euros, tu peux te les garder. Ah, si, attends, les 100 euros, on peut se les mettre? Où ça? On peut se les mettre tous les 100 euros. où personne peut aller. Ah, comme le God. Voilà. Ah, bah, très bien. Bah, je suis là à 8h. Je suis pas là à 8h. Je t'amène le Pikachu God. Je suis pas là à 8h. Ou alors, est-ce que tu peux faire Ronflex? Ah, Ronflex, mais oui. Prends Ronflex. Oui. Ronflex. Faut Pikachu aussi. Ah, bah, Pikachu, bah, je l'ai, Pikachu. Allez, à 8h, je suis chez toi. Oui, à 8h, je suis pas là, j'entends travailler. Ah, bah, là, t'as pas commencé, il est 7h45. Oh, bah, ça va pas tarder. Bah, j'arrive dans 5 minutes alors. Ah oui. Fais, sers le café, je t'amène le God Pikachu, là. Pikachu. Et tu te mets ça dans le derrière et ça sera parfait. Non, mais ça, tu te le gardes de toute manière, tu sais où tu mets, hein. Dans le cul, oui. c'est un God en général, c'est là. C'est bien, toi, t'es un spécialiste des Gods et des Pokémon en plus. Eh ben, je te dis à tout à l'heure, Jean-Pierre. À l'année prochaine, oui, tu dis. Non, à tout à l'heure, moi je viens à 8h. L'année prochaine, il veut que tu reviennes. À tout à l'heure, mon Jean-Pierre. Oui. Bisous. Il est tellement content de tes conseils pas chers qu'il t'a demandé de revenir l'année prochaine. Ah ouais, déjà, ouais. Il est sympa comme tout, ce Jean-Pierre. Bah, sympa comme tout. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais en déco. Mais ça peut être joli. C'est vrai, comme une statuette un peu, quoi. Une petite statuette que tu poses à côté de ton lit. Oh ouais, j'en veux. Hein, imaginez ça dans votre chambre. Hein, quand votre... Ou dans la chambre de vos parents. Oui, ou quand votre mère vient nettoyer votre chambre. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, oh, bah, c'est le God. C'est mon Pokémon. Et ça se trouve où? Tiens, on nous demande là sur le. Sur Internet. Sur le net, donc tu tapes quoi? Tu tapes Pokémon? Pokémon. Pokémon, c'est ça. Et normalement, vous trouvez. Très bien. Eh bien, je vois déjà certains membres de l'équipe. Voilà, j'ai acheté la collection complète. Je vais prendre le coffret collector à 184 euros. Oui, bah oui. Cédric a découvert les Pokémon ce week-end, c'est la folie. Ah ouais, il va s'amuser. Hein. Il est 7h46 sur Skyrock. Bonne journée à vous dans un quart d'heure. 1500 euros à gagner. Et dans un instant, dans une minute même pas, votre horoscope de l'amour. L'horoscope de l'amour avec le classement de tous les signes. On va voir si cette journée sera la journée de l'amour. Préparez-vous. Ouais. Et le loser du jour. Tous les matins, on découvrira le loser ou le winner du jour. Eh bien, c'est dans un instant. Qui est donc le loser du jour? C'est un loser, c'est sûr. Je vérifie, Romano. Un loser ou un winner? Non, c'est un loser. Un loser. Bon. Le loser du jour. Petite galère pendant les vacances. On en reparle tout de suite sur Sky. Et Calvin Harris et Rihanna, ils arrivent sur Skyrock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? Me dis pas que. Si, c'est la foire au vin chez Lidl. À partir de mercredi, le Côte du Rhône Vieille Vigne 2015 AOP médaillé d'or. Eh bien, le carton de 6 bouteilles, dont 2 gratuites, est à 11,56€, soit 1,93€ la bouteille. Moins de 2€ la bouteille? 6 bouteilles, dont 2 gratuites, à 11,56€. Ah, nos efforts restent vains. Ça pleurait, oui. On est mal, hein. Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,57€ le litre au lieu de 3,85€. La bouteille à l'unité, 2,89€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah, c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Et c'est l'heure de l'horoscope de l'amour sur Skyrock à 7h48. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, on se l'a dit, 29 août, votre horoscope. Et on va commencer par les meilleurs du jour, qui sont les Verseaux et les Gémeaux. 5 sur 5, meilleures notes du jour, du charme, de la répartie, du mystère, la médaille d'or de l'amour, les Olympiades de l'amour. C'est pour vous en ce lundi. Bravo les Gémeaux, bravo les Verseaux. 4 sur Merci. 5, les Capricornes et les Taureaux. Les Capricornes. Comme toi, dis fou. Merci. Et les Taureaux, vous serez très déterminés, vous obtiendrez en gros tout ce que vous désirez aujourd'hui. 3 sur 5, les Vierges et les Poissons, c'est votre sens de l'humour qui sera super bien perçu par les autres aujourd'hui. Et bah, profitez-en pour draguer ou pour faire plaisir à votre chérie. 2 sur 5, les Béliers et les Balances, vous douterez des sentiments d'une personne de votre entourage. Attendez d'en savoir un petit peu plus avant de prendre une décision définitive. Attention, les Béliers et les Balances, on vous aura prévenu. 1 sur 5, les Sagittaires et les Cancers. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera pas vraiment d'humeur à écouter vos reproches. Donc attendez pour les reproches, hein. Il y a toujours un bon moment pour les reproches. Et les célibataires, n'ayez pas peur de prendre quelques risques si vous voulez qu'on vous remarque aujourd'hui. Et pour finir, le zéro du jour pour les Scorpions et les Lions. Vous aurez tendance à faire une fixette sur vos petits défauts. Eh bien, ne faites pas une fixette sur vos défauts physiques. Vous plaisez plus que vous le pensez. Alors positivez les Scorpions et les Lions. Il est 7h49. Le loser du jour arrive dans un instant après Rihanna et Calvin Harris. Gros son de l'été. Rihanna, Calvin Harris, this is what you came for. Tous les matins. Morning show. Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you. Rihanna sur Skyrock avec This Is What You Came For. Gros concert de Rihanna cet été. Vous y étiez peut-être, vous en avez profité. Bah, vous avez eu de la chance. Moi, j'y étais pas. Eh, non plus. Moi non plus. J'étais en train de faire un tour du monde et puis j'entraînais Usain Bolt pour. Bah, pour les JO, forcément. Ouais, Usain avait besoin de moi. Ah, tu as bien entraîné, hein. Oui, oui, oui. J'ai bien cavalé. D'ailleurs, je te remercie pour tes pilules, Romano. Ah, bah, tu vois, parfait. Elles étaient super. Vous avez vu les Chinois qui pissaient violet, là? Ouais. Quoi, c'est ce qu'a dit Camille Lacour, parce que le mec avait perdu aussi. Donc oui, il était pas content. Et les Français. Qu'est-ce qu'on est mauvais joueurs? J'adore ça, bah. Vous bon, après, l'eau de la piscine, elle était verte. Oui, c'est vrai. Mais moi, je dis. Je suis d'accord avec Camille. Bravo Camille, je soutiendrai toujours nos joueurs. Non mais c'était, et nos sportifs. C'était un candidat, je sais pas comment on dit, un sportif qui avait déjà, qui s'était déjà fait choper il y a quelques années pour dopage. Oui. Donc bon, il y a de quoi avoir quelques doutes sur lui. Ah, vive les JO. Bon, c'est fini pour les JO. C'est reparti pour le morning. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Il est 7h53. Et ce matin, on va découvrir le top win ou le top lose du jour. Bah, c'est un top lose aujourd'hui. Top win. Alors, les galériens des vacances. Ouais. On parlait d'un monsieur français, hein, qui est passé par le viaduc de Millau. Ouais, le grand pont, là. Oui, autoroute A75. Vous voyez. Et qui est passé avec sa femme. Ouais, bon, jusque-là, tout va bien. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Il fait une petite pause sur une aire d'autoroute. Tranquille, pépère. À une vingtaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres après, il continue de rouler. Et il se dit, mais il manque quelque chose dans ma voiture. Sa femme. Et le con avait oublié sa femme, ouais. Elle n'aurait pas pu signaler, elle. Eh ben écoute, non mais le mec il l'a fait exprès, c'est pas possible. Je sais pas, ouais. Mais en général on fait ça avec les belles-mères. Non, lui il avait oublié sa femme n'était plus dans la voiture. Elle est peut-être marre. Mais il est parti la chercher ou pas? Mais comment tu fais pour faire 20 bornes sans te rendre compte que... Non, non, le mec a pas fait demi-tour en plus. Hein. Ah, il a pas fait demi-tour, non, mais non, elle est où? Elle est toujours en train d'attendre la bourrique. Il a continué jusqu'à un petit restaurant d'autoroute, un autre restaurant d'autoroute, et a téléphoné, a demandé aux employés de l'autoroute de lui ramener sa bonne femme. Ah, vous pouvez me ramener ma bonne femme? On a un numéro d'un truc d'autoroute? Ouais, ouais. Ah, vas-y, vas-y, Cédric, fais. Appelle, parce que on sait jamais, hein, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Non, mais nous, on empêche qu'avec Cariole, on vérifie toujours si le chien est bien avec nous. Oui, bah lui, il a pas vérifié sa femme était avec l'autre. La prochaine fois, faut qu'il lui mette une laisse. Ouais, c'est ça. Ah, faut mettre une laisse avec un cling-cling dessus. Si tu nous écoutes. Ah, ça, c'est le top loose de, le top loose des vacances. Il mérite, lui, hein, quand même. Hein. Je m'étonne. C'était à l'aller ou au retour? On est des chasseurs. Hein, bonjour, Serge, à votre service. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, j'ai un petit problème. Oui. Je suis passé chez vous, là, tout à l'heure. Oui. Et je suis passé avec ma femme. Et j'ai oublié ma femme sur l'aire d'autoroute. Vous avez oublié votre femme? Ah, bah oui, j'ai oublié ma femme. Vous la voyez, elle n'est pas dans le coin? Il n'y a pas quelqu'un qui pleure, qui... Ah non. Ah, vous êtes sûr? Vous voulez pas lancer un appel? Vous n'avez pas un micro pour lancer un appel? Mais monsieur, c'est une plaisanterie, j'ai personne là sur la piste. Ah, bah écoutez, moi j'ai ma non, femme. Non, mais elle s'est peut-être mise à l'intérieur. Oui, elle s'est peut-être mise à l'abri, je sais pas, oui. Je suis avec mon fils. Elle n'est pas sous un arbre? Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute sous un arbre? Bah, je sais pas, pour s'abriter, il fait déjà du soleil. Allô? Serge? Il a oublié sa femme. Il est parti la chercher. Ah, le mec est parti chercher. Il est gentil. Ouais, je vais aller voir sous les arbres. Bah, merci monsieur. On était où, Cédric? Vers Albertville, à Total. Ah, Total. Station Total d'Albertville. Ouais. On salue les stations-service qui sont branchées dès le matin sur Skyrock. Big up les stations-service. Big up les pompistes. Et lui, il a fait la Total à sa femme. Ouais. Je sais pas s'ils sont encore mariés, on nous demande, mais je sais pas. On va se renseigner. Hein. Voilà. Et vous savez que les employés d'autoroute, ils lui ont ramené sa femme. Ils sont sympas. Ah, ils sont sympas comme tout. C'est mignon. Il est 7h56. Dans un instant sur Skyrock, 1 500 € à gagner. C'est déjà tombé tout à l'heure. C'est toutes les demi-heures pour toute la semaine. Inscrivez-vous sur le 7-20-20. Vous envoyez 1 500 au 7-20-20. On fera peut-être un petit tirage au sort sur le 7-20-20 avant la fin de l'émission. Là. C'est possible, oui. 1 500 €, on vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. 7h56 sur Skyrock. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Géant, ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur la machine Tassimo Bosch Noir, nettoyage automatique, compatible système Senseo à 129 €, soit un bon d'achat de 51,60 €. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la B-Box Miami est à 14,99 € par mois pendant un an, au lieu de 26,99 €. 14,99 €. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit.

foutre. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Ah bah oui, on est réveillés depuis 2h. Si vous venez de vous réveiller, bienvenue sur Skyrock. Bonne journée à vous. C'est la rentrée de Sky aujourd'hui. La rentrée avec le New Morning, avec toute l'équipe qui est là, le nouveau Morning, avec à 8h10 tout à l'heure, le réveil de Star. Aujourd'hui, c'est les Pokémon qui viennent réveiller les familles. C'est Sacha. Oui, Sacha des Pokémon va réveiller une nouvelle famille. Ça s'est pas très très bien passé il y a une heure. Hein. Non. C'était marrant, mais ça s'est pas très bien passé. Hein. Ouais, non, je veux pas de Pokémon. On va voir ce que ça va donner dans 10 minutes sur Sky. Dans un instant, vos 1500 euros à gagner, c'est toutes les demi-heures. Inscrivez-vous au 7-20-20, vous envoyez 1500 au 7-20-20 pour augmenter vos chances de gagner. Sinon, bah, quand on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, ça n'a pas changé par contre. Hein. Non. Vous répondez Skyrock et vous gagnez 1500 euros. On big up Fabien d'ailleurs qui a gagné il y a une heure, 1500 euros, c'est pour lui, tout le monde peut gagner. Ah, on nous demandait, quand on est mineur, c'est Manu qui nous posait la question. Quand on est mineur, c'est-à-dire qu'on travaille dans la mine? Non, mineur, moins de 18 ans. Ah. Est-ce qu'on peut gagner 1500 euros? Tout le monde peut gagner 1500 euros. Il suffit d'écouter Skyrock et vous répondez dans un instant juste après les infos de Rémi. Qu'est-ce qu'on a prévu comme son aussi? Ah, Pitbull. Du bon son. Ah, c'est Pitbull et Florida, le nouveau qui arrive. Green Sky. Light. Oui, Green Light, c'est comme ça que ça s'appelle, j'adore ça moi. Allez, avant le gros son, le gros Rémi, les infos. Ah, n'importe quoi. Et la BT, t'as pris un peu. Mais arrêtez, c'est faux, mais c'est carrément faux. Si, t'as des seins. Mais le muto. Allez, dépêche-toi, t'es en retard, il est 8h04. Ouais. Les infos, c'est parti, l'actu, la météo pour démarrer. Un ciel couvert dans l'ensemble aujourd'hui, quelques averses attendues des Pyrénées à la frontière belge en passant par le Centre et l'île de France. Le soleil reviendra dans l'après-midi en Bretagne, en Normandie et sur la Gironde. Les températures en baisse ce matin, comprise entre 15 et 20 degrés. Il fera entre 19 et 24 dans l'après-midi, jusqu'à 32 autour de la Méditerranée. Puis la pollution, c'est moyen. Les indices sont compris entre 3 et 5. Ça capte Dunkerque, Poitiers, Angoulême, Marseille et Bastia. Ça fait plaisir. Retour aux températures de saison. Ouais. Et l'actu tout de suite. L'actu et le sport, c'est parti. Et la colère des producteurs de lait qui pourrait prendre de l'ampleur aujourd'hui. Une réunion est prévue ce midi après l'échec des négociations de vendredi. Les éleveurs demandent une augmentation du prix du litre de lait. C'est le numéro 1 mondial des produits laitiers, Lactalis, qui est directement visé. Cela fait une semaine que l'usine de Laval est bloquée. Les syndicats promettent une étendue du mouvement, peut-être au niveau national. Des manifestations pourraient être organisées ainsi que des actions dans des supermarchés. Un blocage est déjà prévu ce matin à Cesson-Sévigné près de Rennes. Un jeune homme de 20 ans poignardé en pleine rue, ça s'est passé ce week-end à Paris, dans le quartier de Montparnasse. Les secours rapidement arrivés sur place n'ont rien pu faire. Une enquête a été ouverte, une rixe aurait éclaté. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue. L'offensive turque qui se poursuit en Syrie pour lutter contre Daesh. L'armée dit avoir tué 25 terroristes. Plus de 40 civils seraient morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le sport, ouais, la Ligue 1. La Ligue 1 avec la défaite du PSG hier. Eh ben oui, surprise sur la pelouse de Monaco. Le PSG s'est pris une bonne claque par les hommes du Rocher, 3-1. Les Monégasques sont désormais deuxième du classement derrière Guingamp et devant Nice. Saint-Etienne et Toulouse neutralisent 0-0. Bordeaux a dominé le derby de l'Atlantique contre Nantes 1-0. Le Tour d'Europe des clubs avec la troisième journée de la Première Ligue. Manchester City a dominé West Ham 3-1. Au classement, les Mancuniens sont en tête devant Chelsea et United. En Espagne, on jouait pour le compte de la deuxième journée. Barcelone s'impose 1-0 contre l'Athletic Bilbao, alors que Séville et Villarreal terminent sur un nul 0-0. Las Palmas, le Barça et le Real sont en trois premières places du classement. Reprise du championnat allemand et un match nul de but partout entre Hoffenheim et Leipzig. Enfin en Italie, match nul également. Un but partout entre l'Inter Milan et Palerme. Chievo-Vérone s'incline 1-0 contre la Fiorentina. La cérémonie des MTV Awards cette nuit à New York. Gros carton pour Beyoncé qui repart avec 8 récompenses dont la vidéo de l'année pour Lemonade. Rihanna qui était sur place n'a rien pu faire et repart avec un petit prix de l'honneur. Queen Bey a fait un énorme show qui, selon d'autres artistes, restera dans les annales. Bravo également à Drake qui remporte le prix de la meilleure vidéo hip-hop pour le clip Hot Landing. Très bien. Drake avec des surprises bientôt sur Skyrock. Restez bien dans le coin si vous kiffez Drake. Bravo Drake. Bravo Riri. Ça restera dans les annales pour Beyoncé. On a bien noté la petite phrase. Oui. Merci Rémi pour les infos. On t'en trouve dans une demi-heure. Il est 8h06 sur Sky. Cet été, Diffoul a chassé tous les Pokémon. Pikachu et moi sommes les meilleurs amis. Romano a chassé toutes les bonnes affaires. Je m'appelle Monsieur Lapince. Tu me casses les couilles. Cédric a chassé toutes les meufs. Salut les filles. Et Cariole a laissé tous les moustiques qui l'ont chassé. Bonne rentrée avec le Morning de Diffoul sur Skyrock. The Morning Show. Eh oui, le Morning est de retour, c'est la rentrée sur Skyrock. Oui, la rentrée ça a du bon, on se retrouve le matin, on fait les cons dès le réveil. Venez nous rejoindre tous les matins, on apprend plein de choses. Et d'ailleurs, tiens, on a parlé de la folie Pokémon dans le jingle. Puisque j'ai chassé tous les Pokémon, je les ai tous capturés. Oui, tous, ouais. Ça y est, j'ai fini ce jeu. Ouais, terminé, ouais. J'ai fini un jeu avec des nouveaux là. J'ai fini un jeu qui se finit jamais en fait. C'est ça, ouais. Dans un instant, le réveil de Star avec, avec Sacha. Ça y est, on est prêt à partir. Ouais, on est prêt à partir. parti, on est prêt à partir. C'est parti, Sacha, dans un instant réveille les familles de France. Ça va ? Ça va bien, ouais, ça va, Sacha, tranquille, tranquille. Et dans un instant, donc petit coup de fil aux familles de France. Allô ? Non, attends 5 minutes. Ah non ! On a d'autres choses à faire d'ici là, bah, vous offrir 1 500 euros. Et puis vous annoncez donc que le réveil de Star, ce sera tous les matins à 8h10 maintenant. Et les conseils pas chers ? Eh bien, les conseils pas chers, ce sera à 8h40. Romano, prépare-toi pour gagner de l'argent. Pas de problème. Je parle d'argent. On va retrouver Eminem et Rihanna qui en ont plein. Justin Timberlake, il en a plein lui aussi. Ouais, ça va, ouais. Bah, vous, vous êtes peut-être en galère. Et bah, nous, on a de l'argent pour vous tous les matins si vous répondez Skyrock. C'est parti, c'est l'heure des 1500 euros. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Attention, on va localiser le gagnant. Romano, il faut que tu ouvres l'enveloppe que tu as tirée au sort. Ouais, attention, j'ouvre. C'est ouvert. Localisation dans le 45 à Orléans. Attention, vous nous écoutez à Orléans ce matin, on va peut-être vous appeler. Quand on vous appelle, vous répondez Skyrock et on offre 1500 euros. Il y a une heure, ça tombait. On va voir ce que ça va donner. On va chez qui ? Chez Stéphanie, une Stéphanie d'Orléans. Stéphanie Chalaillé. Stéphanie Chalaillé. Attention, famille Chalaillé. Skyrock Allez. Débarque à Orléans ce matin. On arrive. 1500 euros à gagner. Bonne chance Stéphanie, bonne chance Orléans. Allô ? 5 sonneries, ça répond à la deuxième, c'est bon signe. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est Madame Chalaillé ? Oui. Ouais, bon Stéphanie, on est en direct, ah à, la, on est en direct à la radio. Oh non, pas ça. Oh non, quelle horreur. Et c'est Skyrock. Quelle est ta radio préférée Stéphanie ? Eh ben c'est Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. Bravo Stéphanie. 1500 euros. 1500 euros, t'es la deuxième gagnante de la matinée. Après Fabien tout à l'heure, tu viens de gagner 1500 euros toi aussi, bravo. Bien joué. Ah oh, c'est trop bon. Ah bah, ah, c'est ouais. Bon. Ah bah oui, c'est fait pour ah ouais, c'est bien bon, dépanner, ouais. Bravo Steph, tu t'es inscrite ou t'as tiré dans l'annuaire toi? Inscrite. T'es allée sur le 7-20-20, t'as envoyé 1500, bah t'as bien fait tu vois. Ouais, croyant que j'allais jamais être appelé, quoi, comme d'hab, et puis bah voilà. Et c'est marrant parce que tout le monde nous dit ça. Vous avez pas changé par rapport à l'année dernière, les auditeurs. Non, c'est qu'on est pas originaux. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, t'écoutes Skyrock, t'as la pêche, t'es contente. On t'offre 1500 euros. Oui, trop contente. Bravo, et on salue tous les auditeurs de Skyrock à Orléans et tous les autres aussi. Hein. Big up Orléans. Bah, elle vous a bien représenté ce matin. Tu fais quoi dans la vie, Stéphanie, toi? Ben, moi, je suis assistante dans une petite boîte qui dépanne les gens. Très bien, mais nous aussi on dépanne les gens avec des chèques, c'est gentil. Voilà, c'est bien. Bah, vous c'est bien, vous, par contre. Oh, on fait un peu le même boulot, Steph, dépannage. Ouais, aussi, c'est hein. Vrai, c'est vrai. Dépannage de compte en banque. Tu vas bosser ce matin? Ouais, bah ça y est, j'y suis là. Ah, t'es déjà en train de bosser, t'écoutes Skyrock en bossant, c'est super. Bravo, Steph. Et bah voilà. Félicitations, on te fait de gros gros bisous, on t'envoie très très vite ton chèque à la maison. Et bah, moi aussi, gros bisous. Et tu vas en faire quoi, ah, bah, ton gros bibi? Tu vas en faire quoi, ton gros chèque? Ah, je sais pas, je suis trop contente, je sais même pas quoi en faire là. Ah bah on va le garder nous. Non, mais je vais le garder et puis je vais réfléchir. Hein. T'es folle Stéphanie, faut jamais dire ça quand Romano est dans la place. Ah ouais, c'est clair, ouais. Jamais. Ah ouais, c'est clair, ouais, j'aurais dû faire gaffe. Ah bah oui, il est capable de se barrer avec lui. Hein. On te fait un gros bisou, Steph, ne quitte pas. Et bah gros bisous à vous aussi. 1500 euros et on recommence dans une demi-heure, toutes les demi-heures. Pendant toute la semaine, 1500 euros à gagner. Vous aussi inscrivez-vous sur le 7-20-20, vous envoyez 1500. Et c'est 1500 euros dans la poche si vous répondez Skyrock. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Réveil, réveil. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up, so give me the green light. Cause I'm ready to go. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the lights turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Sur Skyrock, c'est le son de Pitbull, nouveau son de Pitbull. Allez, allez, Carico. Et Florida aussi qui rappe sur ce morceau. Pitbull, Florida, Green Lights à 8h15. Mais quelle rentrée, on a vu ça. Déjà deux gagnants pour les 1500 euros. Et ouais, c'est peut-être pas fini. Bah oui, parce qu'on recommence, c'est toutes les demi-heures. Donc on recommence dans un quart d'heure. Encore 1500 euros à gagner. Gros bisous, Stéphanie, elle a gagné un instant. Et Fabien qui fêtait son anniversaire en plus aujourd'hui. Beau cadeau d'anniversaire, un chèque de 1500 euros. Ah bah bravo. Ils ont répondu Skyrock et c'est dans la poche. Bonjour à Seth du 59 qui reprend le boulot dans son camion poubelle. Il a failli prendre feu mon camion poubelle, j'aurais pas dû venir. Ah bah une belle rentrée pour toi aussi. C'est le feu cette rentrée, vous avez ah vu ouais. un peu. Hein. Salut Seth, vos messages c'est sur le 41759 tout au long de la matinée, vous nous les envoyez. Et bah ça arrive directement dans le studio. On mate tout ça. Bonjour à l'Algérienne du 62, à Story 7 qui est là aussi. Neyo qui nous demande 1500 euros, por favor. Inscris-toi sur le 720, on voit 1500. Tu verras. Ouais, peut-être à 8h30. Et oui. Alors, je signe le chèque des 1500 euros. C'est moi qui signe le chèque. Ouais, bah, je pourrais le faire aussi, Cédric. J'ai une signature. Hein. Oui, oui, non, non, mais laisse tomber, Romano. Tu t'occuperas de tes conseils pas chers qui sont ouais, de retour ouais. tout à l'heure à 8h40. Et on va parler vacances dans les conseils pas ouais, chers. Et là, on va parler. On va parler quoi ? Pokémon ? Eh ben oui, Pokémon, c'est ah, un réveil oui. de star. Est-ce que ça va fonctionner ce coup-ci ? Parce que tout à l'heure, on est tombé sur quelqu'un qui était un peu rétif au Pokémon. C'était pas son. Au Pokémon. C'était ouais. pas Pokémon, son truc. Ouais. Non. C'était Sergio. Ouais. On va voir si les Pokémon ont plus de succès chez Régis. C'est l'heure du réveil de star. Les stars réveillent la France. Veuillez décliner votre identité. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Venez décliner votre identité. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça, moi. Oh, mais c'est Sacha. Sacha, il est content. On va faire un réveil Sacha de stars. Sacha des Pokémon. Ouais, ouais, Sacha des Pokémon. Le réveil de stars, c'est avec toi, Sacha. Génial. Mais oui, génial. Génial. Tout à l'heure, on vous a demandé ce que vous pensiez des Pokémon. Votre réponse était... Oh, c'est débile. À 61%. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est cool à 39%. On va voir ce que ça donne ce matin. C'est parti. C'est Régis. J'adore ça comme prénom, Régis. Salut ouais, Régis. Tous les Régis qui nous écoutent. Oui, allô. Ah, c'est allô. La femme de Régis. Allô. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça peut aller. Bah c'est qui ? Je m'appelle Sacha et je vais devenir maître Pokémon. Putain mais t'es con ou quoi là ? Le professeur Chen du Bourg Palette nous envoie chercher quelque chose. Quoi ? La GS Ball. Eh, d'abord tu m'emmerdes. C'était quoi ? Je sais pas, non, un connard.

Eminem et Rihanna sur Skyrock, I love the way you lie, à 8h22. Gros souvenir, gros classique de Sky. Et attention, voici maintenant l'émission Mystère à découvrir. C'est l'heure où on vous offre votre iPhone 6S. Vous voulez votre iPhone 6S? Et ben, on en a plein pour vous. Et on en a un à vous offrir tout de suite, là, tout de suite. Bah, il faut découvrir. Oui, notez bien le 41-759 pour laisser vos réponses. L'appli Skyrock, j'ai pas annoncé, mais elle marche très bien, l'appli Skyrock. Vous pouvez nous envoyer vos réponses aussi sur l'appli Skyrock. C'est gratuit, c'est pas cher. Profitez. Ouais, il faut être le plus rapide ou la plus rapide à nous laisser la bonne réponse. Je vous fais écouter le son d'une émission de télé. Il faut me dire de quelle émission de télé il s'agit. Écoutez bien. Si elle déchire. Hein. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans, je suis de Perpignan et je travaille en tant qu'assistante dentaire dans le cabinet de mon mari. Ah ben très bien, ben c'est super Julie, tu travailles en tant qu'assistante dentaire dans le cabinet de ton mari. Et ben voilà. Et voilà, et je participe à une émission de télé, mais quelle est cette émission de télé que je vous demande quelle est la bonne réponse? C'est Secret Story, on nous dit sur... Vous avez vu dans Secret Story, il y a un homme enceinte? Ouais, qui a été enceinte, ouais. C'est pas vrai. Donc c'est pas, non, je vous le dis tout de suite. On l'a fait sortir ce matin, non, mais c'est Cédric. J'allais vous le dire. Il re-rentre tout à l'heure à 9h15. C'est pas moi. J'allais vous. Donc c'est pas Secret, je vous donne un indice. C'est pas Secret Story, l'émission mystère pour l'iPhone 6S. C'est pas toi l'homme enceinte. Non, c'est pas moi, non. Non, mais c'est vrai, il y a un homme enceinte. Ouais, qui a été enceinte, ouais. Bah, un homme enceinte. Non, mais en fait, non, c'était une femme. Mais comment ils l'ont mis enceinte? Non, c'était une femme à la base et il s'est fait opérer. Et à l'époque où il était femme, il était enceinte. Je crois que c'est un délire comme ça. Ah non, parce que moi j'ai vu les photos, il était barbu quand il était enceinte. Ah merde. C'est comme si t'as vu. Il a fait l'Eurovision, là. Bon, je referme la parenthèse Secret Story. Je bon, c'est pas ça. Ce n'est pas Secret Story. Alors, cette Julie vient d'où? J'ai pas un autre extrait de cette dame qui a l'air charmante et très, très, très, très éveillée. Ce rêve bleu. Voilà, c'est elle. Je n'y crois pas. Merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleusement moche. C'était pas le mot, mais. C'est merveilleusement abominable à écouter. Mais, Julie, essaye de chanter, ce qui est quand même pas mal. Alors, les chansons à la mode. Vous allez me dire The Voice? Je vous dirai dans un instant. Quelle est l'émission? Ah non, c'est The Voice Kid. C'est pas une petite fille, elle. Ah, dans la tête, peut-être, si. Hein. Oui, mais physiquement, c'est la 40 piges et qu'elle arrive sur le plateau de The Voice Kid, elle va passer pour une conne. Non, mais attends que je te la présente, celle-ci, là. Tu vas voir, elle est pas mal. Émission mystère à découvrir. Vos réponses, 41-759, appli Skyrock. Bonne chance à vous. iPhone 6S à gagner. Et puis un petit Justin Timberlake qui est prévu dans pas longtemps. Là, il est 8h25 sur Sky. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur l'aspirateur sans sac Dyson DC52+, puissance 1200 watts à 399 euros. Soit un bon d'achat de 159,60 euros. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, SCH, allô, nouvel album disponible. Allô, bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Je vous donne rendez-vous pour fêter avec moi la 10e saison de Secret Story. Et la voix vous a réservé des surprises gigantesques. Mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. C'est tout pour le moment. Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, du lundi au vendredi, dès 18h40, en direct sur NT1. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'es... Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Chers parents, soyez attentifs. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Des prix hallucinants sur une sélection de produits du petit déjeuner et du goûter. Vous allez être premier de la classe en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 29 août au 11 septembre, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Y'all know the name. C-E-A. Soigner son look pour la rentrée avec la collection Enfance CEA, c'est adorable. Et soigner aussi son budget avec 3 articles Enfance CEA pour le prix de 2, c'est à craquer. 3 articles enfants pour le prix de 2, c'est à saisir dans votre magasin CEA. CEA. Sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en magasin. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, mais qu'est-ce que vous avez à sauter comme ça? Vous essayez de vous envoler? Je m'entraîne, Michel, je vais être prêt pour la super rentrée. Le 1er septembre, les super-héros Marvel débarquent chez Carrefour Market avec des figurines exclusives à collectionner. Des super-héros comme Spider-Man? Oui, et aussi Iron Man, Captain America et plein d'autres. Et en plus, vous pourrez profiter de promos extraordinaires et de surprises incroyables. Je suis super impatiente. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. En direct de l'appart. The Morning Show. Le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Oui, le Morning de retour depuis 6h avec 1 500 € à gagner dans 5 minutes là sur Skyrock. Déjà deux chèques de 1 500 € qui sont tombés. Et c'est pas fini. Et là, c'est pas fini. Bah non, rien, on a Boris. Et lui, c'est pour l'iPhone 6S. Et je crois qu'il va l'avoir dans la poche, l'iPhone 6S. Salut Boris. Salut Default, salut toute l'équipe. Salut, salut Boris. Salut. Bienvenue à toi Boris. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, et vous? Bah, nous, bien ça rentré. Va bien. Bah, bien rentré, content d'être revenu. Content de vous offrir plein de cadeaux. Il y en a un pour toi, là, dis donc, Boris. T'es parti en vacances, t'es allé où, toi? Nous, on allait à Antibes. Antibes, Juan Lépine. Ouais. Antibes, Juan Lépine, exactement. Ouais, c'est sympa, Antibes. Très bien. T'as eu beau temps, tu as bronzé, t'as pris des coups de soleil, tout. Ah, il a fait super beau, et on est rentré bien rouge-violet. Voilà, ouais, c'est ça, les Stéphanois, parce que c'est Stéphanois. Les Stéphanois qui partent en vacances reviennent un peu rouge-violet, ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a pas... au soleil. On n'a pas trop l'habitude du soleil, tout ça. Alors, Boris, l'émission mystère. Je vous fais écouter le petit extrait, hein, pour ceux qui viennent de se réveiller ou de se brancher sur Skyrock. Écoutez bien. Voici Julie. Je vous présente Julie. Je m'appelle Julie. J'ai 38 ans. Je suis de Perpignan. Et je travaille en tant qu'assistante dentaire dans le cabinet de mon mari. Et oui, je travaille en tant qu'assistante dentaire dans le cabinet de mon mari. On va vous la présenter. Il y en a qui nous ont dit confession intime. Non, mais ça aurait pu. C'est vrai que ça y ressemble. C'est quelle émission dont on parle? Alors, c'est Koh-Lanta. Je crois qu'elle n'a pas toute sa tête. Ils sont plusieurs dans sa tête. Oui, elle n'est pas toute seule, on va dire. Hein, c'est ça. C'est Julie. Elle a 38 ans. Elle aime rêver. Elle aime les contes de fées, les princes et les princesses. Oh. Bah, elle a bien fait d'aller à Koh-Lanta. Elle va être servie. Oui, oui. Koh-Lanta, l'île au trésor, ça s'appelle. Mais elle va chialer, elle, non? C'est possible. Ils ont caché un anneau sur l'île. C'est comme si je vous cassais un grain de riz... je sais pas, moi, dans l'appart. Trouvez le grain de riz. Ouais, c'est vrai, c'est pour et ça va directement en finale, celui qui trouve. Demi-finale. Ouais. Le nouveau Koh-Lanta, t'as regardé, Boris? Ouais, on a regardé. Est-ce que tu l'as entendu chanter? Ça, faut que je fasse écouter. Allez, vas-y, Julie, chante comme dans les contes de fées, super. Ce rêve bleu. Mais elle chante sur l'île? Ouais. Je n'y crois pas, merveilleux. Ah, déjà que t'as rien à bouffer sur l'île, t'as rien à boire, t'as rien pour dormir. Si en plus t'as cette espèce de taré qui se met à chanter à n'importe quel moment du jour et de la nuit, ce rêve bleu. Non, mais je pense qu'elle va se prendre des noix de coco dans la gueule. Elle. Peut-être même des cailloux, ou alors je sais pas, elle va se noyer. Mais tu crois que c'est les autres qui vont lui envoyer ça? Les singes peut-être? Les singes, ah ouais, ou même les autres candidats, je pense qu'il va lui arriver une galère. T'imagines, t'es singe sur l'île, t'as rien demandé, t'as l'autre qui arrive et qui te fait ce rêve bleu. Merveilleux. C'est merveilleux, oui. J'aime rêver, j'aime les contes de fées. J'aime les princesses et les princes charmants. Je crois en la magie des rêves. Il faut jamais, jamais cesser de croire et de rêver. Et voilà. Voilà. C'est beau. Au prochain épisode, elle chante la Reine des Neiges et là, on est servi. Ah ouais, libéré. Et là, les singes. Non, mais pas le faire, obligé. Hein. Les singes arrivent. Elle adore les princesses dans la Reine des Neiges, il y a une princesse. Ah ouais, ouais, c'est possible. Il y a même une reine. Alors, on découvrira petit à petit tous les candidats de Koh-Lanta, si vous avez maté. C'est bien. Ça t'a plu, Koh-Lanta, Boris? Ouais, ça va. Il y a Jean-Luc, il est pas mal, je crois. Ah, Jean-Luc, c'est le biker, lui. Ouais, lui, il va être pas mal, je crois. C'est le biker au cœur tendre. Il transforme et répare des motos, d'après ce que j'ai vu. Voilà, bah, bien utile sur Koh-Lanta. Ouais, ouais, ouais. Le mec, il va faire de la mécanique grave. Là-bas, le mec va pas arrêter. Hein. Elle va être pas mal, cette nouvelle saison. Hein. Bravo, Boris. Je t'annonce officiellement, en direct sur Skyrock, à 8h31, que tu viens de gagner ton iPhone 6S. Bravo, c'est gagné. Bravo, c'est cool, voilà. Merci, Skyrock. La rentrée démarre bien sur Skyrock. Bravo, Boris. Félicitations. Tu fais quoi dans la vie? Tu nous as pas dit. Je travaille dans la pub, moi je pose des affiches publicitaires. Très bien, et ben pose des affiches pour Skyrock. Si tu veux, y'a pas de soucis. On t'embrasse, on salue tous les Stéphanois et on t'envoie ton iPhone 6S. Salut Jean-Luc, salut Boris. Allez, gros bisous à toute l'équipe, bisous. Salut Boris, salut à toi. Aussi. Ciao. Et dans un instant on va écouter ça. Non, dans un instant on écoute Justin Timberlake. Ah pas, elle est malade. Justin Timberlake avec I Can't Stop the Feeling. Ah, j'adore les princesses. Oui, mais c'est une princesse, Justin. Ah, c'est une princesse. Ah, une belle princesse. 1500 euros à gagner juste après les infos de 8h32, c'est avec toi Rémi. Rappel de l'actu pour tout savoir. Ouais. Et rappel de la météo aussi. Alors la météo, on revient à des températures de saison. Fini, ah oui, enfin. Fini la canicule. Ouais, les températures en baisse, mais stationnaires de saison, de 15 à 20 degrés dans la matinée, entre 19 et 24 cet après-midi, et jusqu'à 32 autour de la Méditerranée. Ça baisse parce que le ciel il est couvert aujourd'hui. On a quelques averses des Pyrénées à la frontière belge en passant par le centre et l'île de France. Le soleil va revenir dans l'après-midi en Bretagne, sur la Normandie et sur la Gironde. La pollution et ses moyens ce matin, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Dunkerque, Poitiers, Angoulême, Marseille et Bastia. C'est marrant, on voit des nuages dans le ciel, c'est peut-être parce qu'elle a chanté l'autre, non ? Ouais, c'est possible. Bleu. Merci madame. Allez, les infos et le sport sur Skyrock. Et la polémique sur le burkini qui s'invite dans le débat en pleine rentrée politique. Bernard Cazeneuve donne le sentiment du gouvernement ce matin dans la presse. Le ministre de l'Intérieur est contre l'interdiction. Il estime que ce serait inefficace, que cela pourrait provoquer d'irrévocables tensions. Une rencontre avec des parlementaires et des associations est prévue aujourd'hui place Beauvau. Objectif, l'élaboration d'une fondation Islam de France à destination à du culte mais aussi à des fins culturelles. La tension, il y en a eu ce week-end à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Un restaurateur a renvoyé deux clientes sous prétexte qu'elles étaient voilées. La scène a été filmée, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Le directeur de l'établissement a notamment lancé que tous les musulmans étaient des terroristes. Il s'est excusé hier pour ses propos. Une enquête pour discrimination à caractère racial a été ouverte par le parquet de Bobigny. Une fausse alerte à l'aéroport de Los Angeles. Il y a eu un mouvement de panique là sur le site qui a été fermé pendant 2 heures. Les témoins parlaient au départ d'une fusillade qui n'a certainement jamais du lieu, mais les policiers ont finalement fait une annonce plutôt drôle puisqu'ils ont interpellé assez fièrement un homme déguisé en Zorro. Une prouesse réalisée par 6 volontaires dont un français. Ils sont restés isolés pendant un an dans un dôme de 93 mètres carrés installé sur un volcan à Hawaï. Le but de la mission était de simuler les prochaines expéditions de la NASA sur Mars. Les membres de l'équipage n'avaient le droit qu'à 4 sorties par semaine en scaphandre. Tout était fait pour reproduire les conditions sur Mars, même l'envoi des emails qui prenaient 20 minutes. On parle de sport maintenant avec la Ligue 1, la première défaite du PSG au bout de 3 matchs. L'année dernière, ils avaient fait 23 ou 26 matchs sans défaite. Et puis un peu de rugby aussi. Oui, et à la fin de la 3ème journée donc de Ligue 1, surprise sur la pelouse de Monaco, le PSG s'est pris une bonne gifle par les hommes du Rocher. 3-1, les Monégasques sont désormais 2ème du classement derrière Guingamp et devant Nice. Saint-Etienne et Toulouse se neutralisent 0-0. Bordeaux a dominé le derby de l'Atlantique contre Nantes 1-0. Un dernier match ce soir pour le compte de la 5ème journée de Ligue 2, Sochaux reçoit Brest. Coup d'envoi à 20h30 et puis du rugby avec l'épilogue de la 2ème journée du top 14. Montpellier a été battu par Clermont à domicile. Score final 22-26 au classement dans l'ordre Toulouse, Castres et Bayonne. Voilà, il va rigoler Zlatan je pense. Bah tiens, le voici. Zlatan qui n'est plus là et le PSG qui perd son premier match. C'est bien, ça fait du suspense en Ligue 1. Ouais, bon, ils sont quand même premiers. Non, c'est Guingamp premier. Oui, puis, oui, ils sont premiers. T'as quand même le président de l'AS Monaco. Bravo Guingamp. Qui a dit, bon, voilà, c'était une petite sortie de piste, mais bon, ils sont quand même grands favoris. Ouais, ils ont quand même mal joué là, ils ont mal joué la semaine dernière, il me semble qu'il manque quelqu'un. Bonsoir, c'est Zlatan. Ah bah voilà, c'est lui, c'est peut-être lui qui manque. Ah, Zlatan. Ouais, mais il viendra pas là. Non, c'est fini. Il viendra pas, ouais. Bah, en tout cas, Zlatan, tu es bienvenu à Skyrock quand tu veux. Quand tu veux, c'est quand tu veux. Merci Skyrock. Merci, merci Zlatan. Et merci Rémi pour les infos. Il est 8h36 sur Skyrock. C'est la rentrée du morning. Et toute l'équipe est déjà prête. Anthony. Oh. Salut les filles. Est-ce que vous avez bonne rentrée avec le morning de Default sur Skyrock. J'ai le nez plein de mort. Et ouais, plus près que jamais. On est prêt. On a déjà offert 1500 euros il y a une demi-heure. 1500 euros il y a une heure et demie. 1500 euros à gagner sur Skyrock. Si vous répondez Sky, c'est toutes les demi-heures. Ouais. Pendant toute la semaine, profitez-en. C'est pour vous faire une belle rentrée avec plein d'argent à gagner. Bravo donc à nos deux gagnants. Puis peut-être bravo à vous si vous gagnez dans un instant. J'espère qu'on va vous appeler. Hein. Attention, attention, je vois que tu as l'enveloppe entre tes petites mains, Romano. Ouais, ouais, ouais, moi je suis prêt, c'est quand vous voulez. Ouais, moi j'ai pas ouvert une enveloppe de la matinée, tu veux pas me la faire ouvrir, c'est ça? Bon, allez, vas-y, celle-là va. Tellement excitant d'ouvrir une enveloppe. Elle est où? Eh ben attends, je te la donne avec mes petits bras. Alors, j'ouvre l'enveloppe que tu me donnes avec tes petits bras. C'est bon, on y va? On va offrir 1 500 €. Allez, c'est parti. Romano. Non, oui. Mais c'est pas. Je veux une vraie enveloppe. C'est la vraie. Non, Romano, de c'est la vraie. Je veux une vraie enveloppe avec un vrai auditeur dedans. Les enveloppes de l'huissier, il me faut. Ah, merci. Ah, très bien, on y va. Allez, aussi, on y va. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et la voici, la vraie enveloppe avec 1 500 € à l'intérieur. Alors, on va aller en région parisienne ce matin. Si vous nous écoutez en région parisienne, c'est peut-être pour vous. On va à Villeparisis dans le 77. Nous appelons la famille Schillinger. Lina Schillinger, qui a été tirée au sort dans l'annuaire. Et on va voir si elle répond Skyrock. 1 500 € pour la famille Schillinger. 3 sonneries déjà. C'est bien. Il s'est compté. Ouais. Oui, oui. Pas abruti celui-là. Et là, ça fait 4. Non, mais il ne connaît pas encore. 5. Bon, c'est fini, là, c'est trop pour lui. Là. Là, c'est plié. Là. Ah, c'est fini. Bonjour. Ouais. Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Ah. Veuillez laisser un message après le bip. Oula, il y a un gros bip. Eh ben, désolé. La famille Schillinger, c'était Skyrock au téléphone. On vous appelait pour vous offrir des sous. Ah, bah oui. Eh ben ouais, on avait 1 500 € à vous offrir. Désolé, Schillinger. 1 500 €. Bah, prochain rendez-vous, demain. Ah ouais, d'ailleurs, vous inscrivez maintenant, on vous appelle demain. Ouais, c'est ça. 7-20-20, vous envoyez 1 500 € et vous faites comme Fabien qui a gagné tout à l'heure. Ou Stéphanie, il y a une demi-heure. Ou comme Stéphanie qui a gagné aussi, une demi-heure. 1 500 €, écoutez. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est Madame Chalaillet. Oui. Ouais, bon, Stéphanie. On est en direct on est en direct à la radio. Oh non, pas ça. Oh non, c'est Skyrock. Et c'est Skyrock. Quelle est ta radio préférée, Stéphanie? Eh ben, c'est Skyrock. Eh ben, c'est gagné. Bravo, Stéphanie. C'est vrai. 1 500 €. Oh, c'est trop bon. Ah bah c'est trop bon, c'est le morning sur Skyrock, de retour. Bonne rentrée à vous. Oui. Dans un instant, vos conseils pas chers. Hey, spécial ouais. Vacances. Ah, oh, super. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. son de l'été, un des sons qui nous a accompagnés. On a dansé là-dessus comme des oufs. C'était Can't Stop the Feeling, le son de Justin Timberlake. Une découverte Skyrock, on vous l'avait fait découvrir dans le morning d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Le son de Justin Timberlake. En exclu européenne, peut-être même mondiale d'ailleurs, on n'a pas vérifié chez nos amis américains. Ça doit être mondial. Tu crois? Ouais, c'est sûr. Allez, première radio urbaine mondiale, c'est Skyrock. Et le premier escroc mondial, c'est toi, Romano. Ouais, les conseils pas chers. Allez. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, oui. Vous voulez que j'appelle les flics? Romano, le roi des escrocs. Et oui, le roi des conseils pas chers. Les conseils pas chers, c'est tous les matins à 8h40, 8h43. Les conseils pas chers avec, tu nous as dit, un conseil pas cher vacances. Ouais, il y a des gens qui se sont plaints pendant les vacances que leurs vacances se sont mal passées. Parce que tu les as escroqués, non? Non, pas du tout. Non. Les vacances. Est-ce que t'as escroqué des gens pendant les vacances? Non, j'ai pas payé grand chose. Oui, parce qu'en fait, il s'est fait rincer par des amis à lui. C'est ouf. Il a fait du bateau gratuit. Il a bouffé au resto gratuit. Les boîtes gratuites. Ah ouais. Vous savez qu'il s'est fait passer pour David Guetta? Il avait acheté une perruque avec des cheveux longs comme ça, là. Et il était là, oui, je suis français, David Guetta, vous connaissez. David Guetta, c'est moi. Voilà. Non, mais des fois, je voulais payer, il voulait pas. Oh, bah, c'est sûr. Croyait... elle peut témoigner. Ah, c'est vrai, hein. Bah, ouais, il croyait qu'ils avaient David Guetta dans la boîte. Non, parce que. Après, il a mixé, il t'a fait un truc, mais un truc de ouf. Bon, les gens disaient, bon, il est bizarre quand même, ce DJ français, David Guetta. Non, mais je t'assure, des fois, je voulais payer une bouteille, et le mec, il arrivait, je disais, je peux payer la bouteille, il me disait, non, elle est déjà payée. Bah, je disais, partez alors. C'est vraiment le roi des conseils pas chers. Il nous fera d'ailleurs profiter tous les matins, 6h40, 7h40, 8h40, des meilleurs conseils pour gagner de l'argent ou faire des économies. Et c'était un problème du côté de Carrie Leroy dans le 13. Oui. Salut les Marseillais qui nous écoutent. Vous savez que Skyrock est la première radio à Marseille. Eh bien, merci amis Marseillais. Toute radio confondue. Merci Bravo Marseille. Les Marseillais. Je voulais vous embrasser les Marseillais. Je vais vous dire un truc. Allez. Allez l'OM. Allez l'OM. Je vous le dis. J'ai du mal à le dire. Allez l'OM. Oui, parce que moi je suis stéphanois. Mais allez l'OM quand même. Bon, alors là-bas, un couple de vacanciers a été se plaindre à la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un problème, c'était le bruit des cigales. Ils ne supportaient pas le bruit des cigales. Non, mais partez en vacances, je sais pas, en Laponie. Allez en Islande, au Groenland. Alors ils sont allés, ils ont voulu c'est aller. C'est vrai que j'adore le bruit des cigales, moi. Bah. Ouais, moi ça me dérange. Quoi, j'irais pas porter plainte pour c'est ça. C'est que c'est saloperie, ça fait du bruit même la nuit. Ah bah ouais, ça ne dort jamais. Non, c'est marrant. Et en fait, quand elle fait ce bruit, la cigale, c'est qu'elle a envie de se faire sauter. Ah ouais. C'est un cri pour, d'après ce que j'ai appris. Là, elle est excitée. Cédric, si un jour Cariole fait ce bruit-là, c'est que j'ai une touche. C'est une touche de ouf. Donc ils ont quand même été jusqu'à la gendarmerie. Hein. Bon là, les gendarmes leur ont dit non, mais c'est pas possible. Les gens ont insisté. Bon, finalement, ils ont pas porté plainte. Donc ce matin, je vais appeler. On a quoi, Cédric? Des campings. Des campings. On a été en vacances cet été au camping. Le bruit des cigales m'a insupporté tout l'été. Ça m'a gâché mes vacances. Je vais demander un geste commercial, voire un remboursement complet de notre mois passé là-bas. Très bien. Eh ben, c'est parti. Allez, c'est parti. On va du côté de Vitrolles. Vitrolles, dans le 13, pas très loin de Carré-le-Rouet. Dans le 13, dans les Bouches du Rhône. Mais il y avait aussi des mecs qui s'étaient plaints à la campagne du bruit des vaches. Non, mais oui, mais les gens, ils sont complètement tarés. Il y a des gens, ils ont. Ah, le camping. Oui. Allô? Oui, bon. Ah, ben voilà, ben c'est le camping Le Bon Accueil. Ils ont eu du monde, mais tout l'été. Ah, ben j'imagine, ouais. Camping Les Cigales, bonjour et bienvenue. Les Cigales, nous allons vous répondre. Ça tombe bien. À Cassis. Camping Les Cigales, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est le camping Les Cigales. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis avec ma femme. Oui, bonjour madame. Et nous avons passé un mois dans votre établissement cet été. Allô? Ah bon? Oui, je vous écoute. Oui, et en fait, bon, tout s'est bien passé, excepté une chose, le bruit des cigales jour et nuit, ça nous a supporté. Ah oui. Donc je voulais savoir si vraiment, vous savez que je suis revenu encore plus fatigué que j'étais parti. Je suis au bord de la dépression, au bord de la crise de nerfs. Ah ouais, elle est au bord du gouffre. Tout le temps d'entendre. Donc, ben oui, mais donc pour l'année prochaine, est-ce que vous pourrez faire quelque chose et éventuellement déjà pour cette année nous faire un petit geste commercial? Ce serait bien sympathique de votre part. Ah, ça m'étonnerait par contre. Vous voulez pas nous faire une semaine gratuite? Ah, une semaine gratuite et sans cigales. Ça va être compliqué ça. Elles sont encore là ou pas là? Un petit peu moins présente quand même. Ah ben on va revenir. On va prendre une semaine de vacances en septembre. Voilà, une semaine de vacances gratuite, ok madame? Parce que moi je suis au bord gratuite, de la dépression. Gratuite, bien sûr, tout à fait. Ah ben voilà, ben, écoutez, on arrive samedi prochain. Vous nous réservez un bel emplacement, hein, avec pas trop de cigales et ça sera parfait. Allez, à l'ombre j'imagine. À l'ombre, oui, à l'ombre. Oui. Et donc alors, on a un problème parce qu'on était à l'ombre le matin, mais l'après-midi le soleil tapait. Vous pouvez pas dire, je sais pas, dire au soleil d'arrêter de bouger dans la journée parce qu'on de se déplacer un peu autrement. Ah ben oui, on lui demandera, il y a pas de souci. Vous êtes très gentil. Ah oui, très. Eh ben écoutez, on arrive samedi prochain. Ça marche, je vous dis à samedi. La famille Lapince. Lapince, L-A-P-I-N-C-E. D'accord. Sans cigale et pas de soleil l'après-midi, hein. Allez, on va faire notre possible. Eh ben, merci beaucoup. Vous êtes super. Merci, bonne journée. Vive le camping des cigales. Exactement, merci. Vive les cigales. Ouais. Mais on y va ce week-end, Romano. Ah bah ouais, c'est parti, hein. Bah ouais, on y va. Bon, la semaine prochaine, Cariole et Cédric, vous occupez du morning, on sera en vacances au camping. Oulala, attention les dégâts. Ah ouais. Ah non, mais ce week-end, on passe un petit week-end. Attends, on a prévu une semaine, moi je reste la semaine. Hein. Vous aussi, n'hésitez pas à vous plaindre, vous avez vu les conseils pas chers. Ça marche, l'horoscope de l'amour arrive, et puis dans un instant, la compile des galériens de l'été. Ah, la suite de la compile, on l'a commencé tout à l'heure à 7h10. Ouais. La suite arrive, il est 8h48 sur Sky. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es à la foire au vin Lidl, j'espère ? Oui, et cette année, c'est un cru d'exception. À partir de mercredi, les deux bouteilles de Bordeaux Terre d'Exception 2015 AOP médaillée d'or, dont une gratuite, sont à 3,78€. 1,89€ la bouteille. Moins de 2€ pour ce Bordeaux médaillé d'or chez Lidl. Mais nous, on fait pas exception à la règle. Hein. Comme d'hab, on est mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,52€ le litre au lieu de 5,04€. La bouteille à l'unité, 3,78€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Et c'est reparti avec l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Ah, il y a des messages sur les cigales. Alors il paraît que c'est les grillons qui font des bruits la nuit et que c'est les hommes cigales qui font du bruit pour attirer les femelles. Vas-y Cédric, fais le bruit d'une cigale. Bah je sais pas faire moi. Bah pour attirer les femelles. Bah t'inquiète, il y en a une dans le studio. Oui, mais elle est pas attirée du tout, hein, bah, carrière. Non, pas du tout, ça marche pas. Fais cri cri cri. Ah, je vais pas avoir l'air d'un con, tu vois. Ah bah ça changera pas beaucoup. Oui. Vas-y, essaye pour voir. Ouais, j'essaierai hors antenne, ouais. Très bien. Ah bah c'est bien utile ça, tiens. On va vous épargner ça, allez nous, on fait l'horoscope. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et la puissance amoureuse de tous les signes entre 0 et 5, les scorpions et les lions. On commence par vous, 0 sur 5, vous avez tendance à faire une fixette sur vos petits défauts physiques aujourd'hui. Vous plaisez plus que vous le pensez, alors positivez, vous prenez pas la tête, les scorpions et les lions. 1 sur 5, les sagittaires et les cancers. Célibataires, n'ayez pas peur de prendre quelques risques aujourd'hui si vous voulez vous faire remarquer. Et en couple, votre partenaire sera pas d'humeur à écouter vos reproches aujourd'hui. 2 sur 5, les béliers et les balances, vous doutez des sentiments d'une personne de votre entourage. Attendez d'en savoir un peu plus avant de prendre une décision irréversible. Attention, les béliers et les balances, vous avez 2. 3 sur 5, les vierges et les poissons, votre sens de l'humour sera bien perçu aujourd'hui, profitez-en. 4 sur 5, les capricornes et les taureaux, vous êtes très déterminés, vous obtiendrez en gros tout ce que vous désirez aujourd'hui. Et pour finir, 5 sur 5, les gémeaux et les verseaux, du charme, de la répartie, une petite pointe de mystère, la médaille d'or de l'amour, elle est pour vous en ce lundi. Bravo les gémeaux, bravo les verseaux. Le son de Major Lazer tout de suite, le nouveau Major Lazer que vous avez découvert cet été sur Sky, c'est du gros son. Et juste après, ah, ça c'est bien, la compile des galères de l'été. Tiens d'ailleurs, dites-nous si vous avez eu des galères cet été là, on va mater vos messages. Ah oui. Vous envoyez ça au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Qui a eu des galères pendant l'été? Racontez-nous tout et on en reparle tout de suite sur Sky, il est 8h51. En direct de l'appart, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. I won't let go. sur Skyrock. C'est bien ça, c'est le nouveau Major Lazer. Cold Water, c'est de l'eau froide, hein, pour traduire pour ceux qui ne sauraient pas. C'est ça, ouais. Voilà, c'était bien utile la semaine dernière pour la canicule, mais là c'est vraiment la rentrée, vous avez vu, hein. Les températures sont descendues. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même de retour depuis 6h. Le morning est là, vous aussi. Content de vous retrouver. Salut à Carlson, à Damien, à Bad Boy. Salut Bad Boy, salut à Kevin du 93 qui est là avec nous, Kevin 17 ans. Grosse galère au moment de partir du camping. Appelez-moi, je vous raconterai ce qui m'est arrivé. Appelle-le, demande-lui, Cédric, à Kevin du 93, il vient de laisser un message. Bah, il y a Guigui Maudit aussi, il est arrivé pas mal, lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Guigui Maudit? Bah, en fait, il devait partir en République Dominicaine. Oui. Il allait à l'aéroport et là, le vol a été annulé. Ah, il est pas parti du tout? Non, il est pas parti, non. Non, mais le pire, c'est si tu penses partir en République Dominicaine et que tu te retrouves, je ne sais pas, moi, par exemple, en Finlande. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Oui, ça change un peu les trucs. Ouais, voire pas partir du tout, c'est bien chiant aussi, quoi. C'est l'heure de la compile du jour, la compile des galériens de l'été, là, ce matin. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors, la compile des galériens. Romano, on en a trois, là. Alors, ouais, attention. Au top, en top 3, j'ai un Chinois, moi. Un Chinois amoureux qui a attendu par amour sa copine. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire, c'était... Ouais. C'est le mec qui a attendu 10 jours sa copine à l'aéroport. Ouais, il avait fait une rencontre sur Internet, en fait, il s'est rendu en Chine. Oui. Et en fait, il est pas chinois, j'ai dit qu'il était chinois, mais c'est une histoire chinoise. Ouais, il est néerlandais. Il est néerlandais, oui. En fait, il est parti en Chine, il avait fait une rencontre sur Internet. Oui. Il a attendu sa soi-disant dulcinée. Il s'est dit, ouais, elle a eu un problème, elle a perdu son téléphone et il ne voulait absolument pas quitter l'aéroport. Oui. Je crois même que les autorités ont été obligées de le foutre dehors au bout d'un moment. Il a donc dragué sur le net ou sur une appli, comme Smax par exemple. C'est ça. Et il est tombé amoureux. Elle lui a dit viens tout de suite en Chine. Viens. J'ai 26 ans, je suis trop bonne. Viens me voir. L'autre, il a pris l'avion, il s'est pointé. Et puis il a attendu 10 jours. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il a fini à l'hôpital. Ouais. Voilà, c'est galère de vacances, spécial hôpital. Ça. Ah ouais, putain. Le mec a fini à l'hôpital, épuisement total, épuisé total dans l'aéroport. Ah bah ouais, et puis 10 jours là-bas, ouais. Et les Chinois ont bien rigolé, hein. Très bonne blague. Toi, t'en avais un aussi aux États-Unis. Le top 2 de notre compile du jour, c'est le monsieur qui a mangé un truc qu'il fallait pas. Ouais, c'est ça. En fait, un Américain avait faim, il a décidé de manger les brownies de sa fille. Le seul truc. C'était quoi? C'était des trucs pour chiens, non? Non, c'était des brownies au cannabis. Oh, sa fille, elle prend ça le matin au réveil. Donc, il a été emmené aux urgences. Là-bas, aux urgences, le monsieur, ça n'allait pas du tout. Il était complètement défoncé. Il rampait par terre. Et le chat de la famille, il l'appelait salope au lieu de l'appeler keeper. Ah, salope. Elle était là, bitch. Comment on dit bitch? Ouais, c'est bitch. Il faisait ça devant ses enfants? Ouais, c'est ça, devant toute la famille, aux urgences, devant les urgentistes. Donc, il ne mangera plus les cookies de sa fille. Non, il ne faut pas manger les cookies de sa fille. Voilà, galère de vacances aux États-Unis aussi. Et moi, j'en ai pas mal toujours aux États-Unis. C'est Anthony, il a 10 ans. C'est un petit enfant. Et il adore jouer avec les jouets du chien. Ouais. Parfois les gosses ils sont jaloux, ils jouent avec les jouets du chien, ils se demandent pourquoi. Ouais, mais c'est vrai que ça se ressemble les jouets pour tout petit. Hein. C'est vrai. Ouais. Sauf que les jouets du chien ils puent quand le chien l'a pris dans la bouche. Ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Ça sent et la lui, bave. Il a décidé de jouer avec le sifflet du chien. Le problème, c'est que le sifflet, il l'a avalé. Ah merde. C'est-à-dire qu'il est plus con qu'un chien, le chien n'avale pas le sifflet, lui il l'a avalé le sifflet. Le problème qu'il a eu juste après, c'est bon, direction l'hôpital, parce que quand t'avales un sifflet et que t'as 10 ans, c'est dangereux. Et maintenant, il siffle quand il respire. C'est-à-dire que le petit Anthony, il est là. Ça va être sympa la nuit. C'est ça, il siffle. Mais c'est... Ah oui, c'est ça, ouais. Bah, il peut devenir arbitre. Hein. Ah ouais, sans problème, il a juste à respirer. Eh bien, le petit Anthony mérite le top 1 de la compile du jour. Bravo, Anthony. Bravo, le petit Anthony. Tu finiras arbitre. C'est cette semaine, d'ailleurs, que les Français jouent en foot. Arbitre ou keuf? Oui, c'est vrai. Préfère la circulation, circuler. Oui, circuler. Ouais. Il suffit qu'il respire. Et ouais, les galères des vacances, ça arrive. On fera un petit point sur les galères des vacances demain. Hein. Si on vous en trouve d'autres, on vous fait signe. Pas de soucis. Et merci pour les messages que vous nous avez laissés. Nous, on est tombés en panne d'essence sur la route à 2h du matin, à 10 km d'une station-service. C'était horrible. Il n'y a personne qui s'est arrêté. C'est Enrico qui nous envoie le message. Ça, c'est une petite galère de vacances. Ah ouais. Ah ben, il faut regarder le réservoir. Ouais, galère de vacances. Il y avait des cafards partout dans la maison qu'on avait louée. C'était horrible. Et il n'y avait aucune autre maison de libre pour la remplacer. Ah ben, en plein été, ouais, c'est difficile. Mon père a refusé de payer. Comme Romano. Pareil. Non, mais ça, t'as bien fait. C'est Chris qui nous envoie le message du 59. Dégueulasse. Merci à toi, Chris. Et bonne rentrée à vous. Fini les vacances. Cédric, aucun problème.

Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. Down, I'll take it slow. Sur Skyrock, c'est l'heure de faire tourner la roulette après ce premier morning, le morning de rentrée, c'est reparti. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Vas-y, branche le micro de Romano parce qu'on est vraiment en direct d'un appart, il y a tout dans les studios, on a une cuisine avec un très très bon café qui me rend malade tous les matins, mais je ne le lâche jamais. Hein. Romano est dans une des pièces de l'appartement. Alors je pense que ce n'est pas la salle de bain. Il y va pas le matin. Non, hein. Jamais. Non. À ton avis. Il est dans la salle du coffre-fort. Mais non, je l'ai blindé. C'est pas possible. On a mis tous les chèques et tous les gagnants des 1 500 € dedans. Il n'est pas dans carriole. Je tenterai de vérifier s'il était dans carriole parce que ça peut l'exciter de temps à autre. Mais où est-il, Romano? Ah, il est aux toilettes. Hein. Il ne peut pas nous parler. Il est aux toilettes. Ah. Romano, ouais, tu reviens? Attends, là, je peux pas, oui, j'ai bien compris. Voilà, en direct de l'appart tous les matins sur Skyrock, le morning est de retour, vous tous et vous toutes en direct. Et Leïla à Strasbourg, on salue tous les auditeurs de Strasbourg qui nous écoutent sur 96 FM depuis 4, 5, 6 mois, où on est arrivé à Strasbourg. Leïla, ça te plaît Skyrock, nouvelle auditrice de Sky? Oui, je vous écoute tous les matins. C'est bien, c'est bien. Eh bien écoute, le morning est de retour, on a bien fait de revenir, ne serait-ce que pour toi Leïla. Ouais. T'as 22 ans, tu fais quoi dans la vie? Alors je suis vendeuse dans un magasin de sport. Très bien, c'est quoi le magasin de sport? C'est Intersport. Bon, déboulez tous à Intersport aujourd'hui, c'est réduc pour tous les auditeurs de Skyrock à Strasbourg. Vive Intersport, vous écoutez Skyrock dans Intersport? Bah non, en fait on a un CD prédéfini. Ah non, mais c'est le truc où ils passent les mêmes musiques toute la journée. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ah mais quand tu bosses dedans, au bout d'un moment t'en peux plus. C'est ça. même un morceau que t'aimes bien, t'en peux plus. Oui, ouais. Alors là écoutez, il y a une demi-heure. Eh ben on te le repasse dans une demi-heure. Allez. Bravo Leïla, bon courage à toi. Branche Skyrock dans l'Intersport. Et nous, on va te brancher la roulette. Là, c'est parti. C'est l'heure de gagner les places pour Maître Gims. Maître Gims qui tourne dans toute la France avec Skyrock, évidemment. Il était l'invité de Fredo pour le Planète Rap la semaine dernière. Et voici tout de suite ta roulette à toi, Leïla. C'est parti. 200 places de concert, Maître Gims. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Et ouais, premier sur Maître Gims. Et attention, c'est parti. Elle tourne ta roulette. Tu sais comment ça marche, hein, Leïla? Ouais, je vais dire stop. Voilà, tu dis stop et elle t'obéit. Et on va voir sur quoi elle va s'arrêter. Stop. La roulette freine. Et elle s'arrête sur deux places pour Maître Gims. C'est gagné, Léa. Ah, Tu choisis où est-ce que tu vas aller le voir. Il y a des places pour toutes les dates de Maître Gims. Les dates d'ailleurs sont disponibles sur le skyrock.fm. Oui, Romano? Ouais. J'ai entendu Romano derrière. Ouais, on est connecté avec ses toilettes là. Eh ben vas-y, mets-le. Bah, elle est mise là. Ah, Romano. Non, il est pas mis, Cédric. Non, il est pas mis. Non, il est pas mis. Faut appuyer sur le bouton. Bah, il est mis, t'as fini. Ah, ça y est. T'as fini, Romano? T'as loupé Leïla. Leïla de Strasbourg. Leïla, t'as pas loupé ta roulette. Tu viens de gagner tes deux places pour Gims. Il y en aura d'autres à gagner tout au long de la journée. Bravo à toi, on te fait un gros bisou. Moi aussi, vous êtes géniaux. Bisous, Leïla. Gros bisous, salut. Ciao. Et t'as loupé la roulette, Romano. Faut pas, faut amener la. Moi, et vous savez ce que j'ai une petite radio portable. Moi, je ne loupe aucun moment des programmes de Skyrock. Bah, oui. Ouais, mais là, il y avait plus de piles. On va me réinstaller mais mon matériel dans les toilettes. Ton matériel avec des piles et tout. Ouais, on sait jamais. Faut que je me règle là pendant quelques jours. Oui. Bon, la roulette a tourné. Les 1500 euros sont tombés aussi ce matin. Vous le savez, hein, si vous voulez gagner 1500 euros, c'est simple. Vous répondez Skyrock quand on vous appelle. On vous tire au hasard dans l'annuaire. Ou alors, vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous envoyez au 7-20-20 1500. Et peut-être que demain, vous envoyez maintenant ou toute la journée. Et demain, peut-être qu'on vous appellera 1500 euros à gagner. On dit bravo à Fabien qui a gagné en direct de Lille. Il fête son anniversaire en plus aujourd'hui. Ouais, bravo. 1500 euros pour Fabien. Puis bravo à Stéphanie qui a gagné à Orléans. Bravo Steph, bravo Fabien. Vos chèques de 1500 euros arrivent très vite à la maison. Et là, c'est l'heure du traditionnel Zap du Morning à 9h10. Ça s'est passé ce matin. C'est le Zap du Morning sur Skyrock. Vous avez vu dans Secret Story, il y a un homme enceinte. Ouais, qui a été enceinte, ouais. C'est pas vrai. Donc c'est pas, je vous le dis tout de suite. On l'a fait sortir ce matin, non, mais c'est Cédric. J'allais vous le dire. Il re-rentre tout à l'heure à 9h15. C'est pas moi. Non, mais en fait, non, c'était une femme. Mais comment ils l'ont mis enceinte? Non, c'était une femme à la base et il s'est fait opérer. Et à l'époque où il était femme, il était enceinte. Ah non, non, parce que moi j'ai vu les photos, il était barbu quand il était enceinte. Ah merde. C'est Coach Itavure. Il a fait l'Eurovision, là. T'as envie de devenir riche cette année, toi? Millionnaire, milliardaire, peut-être. Autant que. Comment? Autant que Bill Gates. Ah, autant que Bill Gates. Très bien, très bien. Et les stars de l'été, les Pokémon et Sacha des Pokémon. Voici tout de suite Sacha qui réveille la famille de Serge. Waouh. Je m'appelle Sacha. Et c'est à quel sujet? Le professeur Chen du Bourg-Palette nous envoie chercher quelque chose. Ah ben ça ne m'intéresse pas. Voilà la ligne. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Non mais si, moi attendez, vous arrêtez, je vous pose le portail à n'importe qui pour récupérer un Pokémon chez moi, vous déconnez ou quoi? Ouais. C'est déjà le bordel dans les bagnoles, merde. Alors lui, je sais tout de suite ce qu'il va répondre à mon sondage express. Lui, les Pokémon, ça le plaît pas trop. Hein, non, c'est pas son truc. Rémi, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Ah ouais. T'es pas obligé de prendre une voix de débile pour dire Skyrock. Ouais, dis foule. C'est moi. Ouais, dis foule. Ouais, Fabien. Bien, Fabien, je vois que tu es à l'écoute de Skyrock ce matin. Ouais, la patate, en plus, je suis en congé, je me suis levé exprès pour ça. Ah, ça c'est bien, ça. C'est gentil, Fabien. Et vous êtes des malades. Quelle est ta radio préférée, Fabien? Skyrock. Eh bien, c'est gagné. Bien, bravo. C'est gagné, Fabien. Bravo, ouais, Fabien. Bravo, Fabien. Bravo, bravo. Merci tu viens, à tout le monde. Tu viens de gagner 1500 euros comme ça en direct pour ton anniversaire. T'as quel âge, Fabien? 26 ans, hein, c'est de la boulette, franchement, vous vous assurez, les gars. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est Madame Chalaillet. Oui. Ouais, bon, Stéphanie. On est en direct on est en direct à la radio. Oh non, pas ça. Oh non, c'est Skyrock. Et c'est Skyrock. Quelle est ta radio préférée, Stéphanie? Eh ben c'est Skyrock. Eh ben c'est gagné. Ben, bravo. Bravo Stéphanie. C'est vrai. 1500 euros. Oh, c'est trop bon. Eh oui, c'est trop bon, c'est fait pour ça. 1500 euros à gagner sur Skyrock, je vous l'ai dit. 7-20-20, 1500. Et demain, on vous appelle en direct toutes les demi-heures. Ah ouais, toute la semaine, on vous appelle toutes les demi-heures pour vous offrir 1500 euros. Ah ouais, c'est reparti demain matin. Eh oui, c'est reparti fort, fort, fort. Merci d'avoir passé cette matinée avec nous. La première du morning, ben, vous y avez assisté, vous aussi. Nous, on était contents d'être avec vous. On sera encore plus contents demain matin, dès 6h. On se réveille bientôt. C'est la rentrée. La rentrée des classes, c'est jeudi, hein. Ouais. Ouais, on prépare des trucs pour la rentrée des classes. Restez bien dans le coin. Fredo, c'est ta rentrée aussi. Je suis là, j'ai pris mon petit cartable. Ça va bien, bien taillé mes crayons. C'est bien. Je les ai disposés devant moi et tout va bien. Parfait, ça va être bien utile pour faire de la radio. Ouais. Les crayons. Pour dessiner un petit peu, pour faire plein d'autres choses, pour noter des idées qui arrivent, des messages qui arrivent. Et Fred a je mets tout de côté. Plein d'idées qui déchirent. Oui, mais bien sûr. Bon Fred, on va te souhaiter une belle rentrée à toi aussi. Content de te retrouver tous les matins entre 9h et midi. Les nouveaux programmes de Skyrock avec notre pilier Fredo. Merci et vous aussi, c'était bon de vous retrouver. C'est comment ce matin le réveil? Juste le réveil. Le réveil, c'était facile. C'est vrai, simple. Ouais, facile. Je me souviens de l'année dernière, le réveil, putain, j'avais galéré au réveil. Ce matin, nickel, parfait. Je me suis réveillé à 4h du matin, 4h15, 4h30. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis levé. Et Romano? Romano, il a l'air en forme. Non, ça va à peu près. Le premier jour, ça va toujours. Attends, le premier jour, ça va toujours. Moi, le premier jour, c'est souvent le plus difficile. Donc, on fera un point vendredi. C'est ça. Voilà. Une semaine déjà, ça sera plus la même. Soyez là demain avec les nouveaux rendez-vous du morning entre 6h et 9h. On compte sur vous. Et puis, évidemment, ce soir, entre 21h et minuit, la radio libre est de retour. Planète Rap est de retour aussi après Maître Gims la semaine dernière. Cette semaine, c'est chez les Quinri que tu vas aller faire un tour. Avec Franck Ocher. Ocean et avec des sessions mixées de Frank Ocean qui a sorti carrément deux albums coup sur coup. Il en a sorti un en vidéo et puis un autre, un nouvel album qui est dispo un petit peu plus normalement en téléchargement dans les magasins. On découvrira tout ça mixé tous les soirs entre 20 et 21. Voilà, les exclus et du son tous les soirs, 20h, 21h. Profitez bien de Sky tout au long de la journée. N'oubliez pas Maître Gims a gagné tout au long de la journée aussi. Mais enfin bon, Fred, tu vas tout nous expliquer. Je vais tout rappeler dans un instant. Très bien. On vous souhaite une belle journée. Rendez-vous demain matin, 6h, 9h pour le morning. Ciao! À toutes! Et à tout à l'heure, à partir de 21h. Et oui, Fred. Ou un petit peu avant même d'ailleurs. Oui, comme d'hab. Ciao! C'est parti pour le son de Skyrock à 9h15. Bonne matinée, bienvenue à vous tous en ce lundi. Peut-être aussi la rentrée pour vous. Même si la rentrée des classes, ce n'est que jeudi. Tiens, dites-nous un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Un petit message. Le 7-20-20 aussi. Ça, depuis cet été, c'est important, le 7-20-20 pour s'inscrire, par exemple, pour la roulette. Vous dites, j'ai envie de faire tourner la roulette. On en parlait avec Diffoul Gims tout à l'heure. La roulette qui va tourner avant midi. Vous envoyez roulette 7-20-20 ou alors vous servez aussi du 7-20-20 pour envoyer différents messages. Pour les 1500 euros, vous envoyez 1500 pour essayer de gagner ces 1500 euros tous les matins chez Diffoul entre 6h et 9h. Tout ça désormais au 7-20-20. Le son sur Skyrock, c'est DJ Snake. Franchement, moi, ça a été mon album de cet été. Hein. L'album qui défonce, l'album encore. En voici un extrait avec Justin Bieber. C'est Let Me Love You sur Skyrock. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Si c'est pour ma

somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is called.